Grado de Marc Keller. Bienvenue dans le Radio Soub spécial maintien, le Radio Soub spécial. Corse, Alsace. Tout ça, ça va être difficile. Je sens que ça va être difficile. Non, vas-y. Voilà, j'en perds mes mots. Alors, équipe commando, équipe cagoulée, ils sont tous cagoulés. Équipe canal historique. Voilà, canal historique, Radio Stoub, JP Dark. Corse, île d'amour, pays où j'ai vu le jour, j'aime tes frais rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs, pourtant, au fond de mon corps, je t'appartiens toujours, toujours, aux Corse, île d'amour. Long, on fait pas de pause, on s'en bat de pause. Ouais, exactement. Voilà, Rouliane. Una terra landa, una terra. Una terra costruì, una terra da fiori, Corsica. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à la maman Rouliane ici. Ouais, c'est sûrement elle, elle doit m'écouter. Elle m'écoute bien sûr, évidemment, comme en direct à chaque fois. Fabrice aussi qui nous rejoint. Voilà, bien un retour parmi nous, mais tu n'es jamais très loin. Tout à fait. Et bien sûr, pour tout ce qui est jeune, moins jeune, affaire d'agression sexuelle, le spécialiste juridique du Stoub, attends. Della corsa testimonia. Pas impliqué. Hein. Voilà, non, mais c'est toi qui analyse les chroniques. Et notre qui est là, tu es là, vous avez déjà entendu sa voix. Je ne sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au bout pour faire sa dithyrambe, je ne sais pas comment on dit. Il est là, son agiographie, merci, il est là, il est le avec nous. Le sosie officiel d'Edouard Sobol. Tout à fait. La lumière au bout du notre lumière au bout du tunnel, c'est MC Gigas. Salut à toi, le peuple corps, salut aux filles du président. Salut à toi la vache qui rit, salut à Lorraine et Arfi, salut à toi Fosque Nomade, salut à tous les Kamawas. Ouais, bravo. Voilà, aussi bon que ce vol. Voilà. Contrairement au club, on applaudit l'équipe. Exactement. Voilà. Donc, et on reste jusqu'au bout. On restera. J'espère que vous resterez, contrairement au COP et aux Ultras, j'espère que vous resterez jusqu'au bout de l'émission. Voilà. Beaucoup de matchs dont on ne parlera pas. On a choisi une thématique un petit peu basée sur une frise historique par rapport aux entraîneurs. Rappelez-vous, en moins 25 journées ou peu ou prou avant le maintien, Mathieu Luscornet. MLS, un bon nom, était le futur sélectionneur de l'équipe de France et venait de reprendre le Racing. Radio Stoub avait commenté en direct, hein, JB Darki, le match à Rennes. Oh oui, c'était superbe. C'était superbe. Ouais. L'émission sera peut-être un jour disponible, tu me disais. Oui, oui, bah en collector vintage pour nos abonnés. Double vinyle. C'est la nouvelle émission interdite après le fameux enregistrement avant le match de Montpellier en 2009. C'est ça. Mais là, les anciens s'en souviennent. Mais celle-là, elle est interdite parce qu'elle était nulle. La nôtre. Ouais. Et il y avait l'autre émission interdite. À cause de qu'on peut pas dire. Oui, c'est ça. La fameuse. Ouais, mais c'est pas grave. Alors donc Rennes, on a bien commenté, on avait bien analysé, hein, c'était nul. Ouais. Après Rennes, on reçoit Montpellier. Alors Montpellier, en plus, on a un spécialiste qui connaît bien la Mosson. Tout à fait, oui. Hein, Montpellier sous la pluie, je crois, sous des trompes d'eau, sous un crachin barinois. Une équipe de Montpellier qui ressemble un peu à celle du Racing, hein, qui a fait qui avait choisi de privilégier la solution interne à ce moment-là, en nommant Romain Pitot, alors que pareil, il y avait aussi des bruits comme quoi Fred Antonetti allait sauver ce club, Olivier Dalloglio, Sabri Lamouchi. Romain Pitot, ils l'ont laissé assez longtemps quand même. Hein. Ouais. Trop longtemps. Bah, juste à ce match. C'était voilà. Piteux avec Pitot. Allez, vous en une, Gérard. Ça s'arrose. Tu veux nous aussi, non, c'est ça. Tout à fait. Et ce match-là, il valait mieux ne pas être en retard. But à la balle. Le match de la peur. Voilà. Donc. Mais c'est sûr qu'il y a eu un but au bout de 12 secondes, grâce à Sobol, notamment. Oui, tout à fait. Évidemment. Merci Gigas. Et donc là, on se dit, bah putain, le mercato, le MLS, enfin tout ça, tout fonctionne. Hein. Et on s'impose 2-0. Mais carton rouge d'Aoudou. 2-1. 2-1. 2-1. Non, 2-0. Ah non, 2-1, c'est 0. 2-1, c'est on a perdu. Non, pas la mi-temps, mais 2-0, et on tient le match malgré à 10 contre 11. Ouais. En serrant les fesses. À doublé de Habib Diallo. Habib Diallo. C'est facile, hein, c'est le seul qui marque. Ouais. Et c'est là. On doit avoir un petit truc à Habib Diallo, c'est une sonne très bonne, genre le dimanche à Habib Diallo, ouais. Un truc raciste. C'est bien, c'est un. Alors que le mec, je fais une droite sale, tu sais, je pense. Sweet, sweet, Habib Diallo. Un match qui semblait quand même assez maîtrisé, mais c'est surtout, enfin, je pense que c'est vraiment dû à la faiblesse abyssale de Montpellier. Oui. Et effectivement, qui n'a absolument rien produit. Enfin, on a joué à 10 contre 11, on a laissé le ballon, mais Montpellier n'en a rien fait. Ouais. Là, pour le coup, après. Le néant du football, je pense que c'était l'équipe, sûrement la plus faible qu'on a vue à ce moment-là. À ce moment-là, ouais. Mais ils n'avaient pas TJ Machin. Non, il était malade. Il était grippé, ouais. Oui, il était grippé, il était sur le banc. Pas mal de cas de grippe. Comme de par hasard. Pas mal. C'était assez piteux à ce niveau-là. Et mais il y a aussi ce match-là où Dimitri Lénard se révèle particulièrement véhément, notamment à l'encontre de Jordan Ferry à un moment, alors qu'on ne voit pas trop ce qui pousse à lui se jeter Louis sur lui. À Louis Pied, peut-être. Ouais. On sent la tension hein, quand même chez Lienard. Depuis le... Il sent qu'il n'est pas à l'aise dans cette zone de relégation et il sent que ça sent le pâté pour sa fin de carrière. Et c'est là, il commençait déjà à s'énerver, effectivement. C'est le fil rouge de tous les matchs qui vont suivre. Hein, Lienard qui est hyper nerveux, qui engueule ses coéquipiers, qui engueule les adversaires. Tout le monde. Donc là. Là, quand il engueule les adversaires, moi ça me va. Hein. Ouais, je sais pas vous, mais qui engueule le cop aussi. Oui, mais ça me va aussi ça. Ouais. Mais ouais. Donc du coup, victoire, oui. Juste, est-ce que c'était avant ce match, là, veille ou avant veille, je ne sais plus. Alors, je sais plus si c'est sorti. Je suis désolé, mais on va dire qu'il y a prescription. C'est là où il y avait l'intervention des supporters à l'entraînement. C'était exactement la veille. C'était la veille. J'étais absolument pas là. C'était les gladiateurs, c'était ça? Non, il y a des supporters de Strasbourg qui ont effectivement interrompu l'entraînement. Ouais. Au grand dam de certains joueurs du Racing Club de Strasbourg. Dont Dimitri Lénard. Ça n'a pas été plus véhément. Plutôt Kevin G, alors. Oui, Kevin G avait l'air très énervé. Ouais. A priori, très énervé. Et pour une fois, la chose a été inversée. C'est-à-dire que normalement, les joueurs, c'est quand même les joueurs qui parlent et qui sont là. Et là, cette fois-ci, ils ont dû se taire et écouter. C'est pas habituel pour eux. Et donc, du coup, ça a un petit peu mal passé. Quand t'es pas habitué, ça fait toujours mal la première fois. Ouais. Et du coup, y a un message qui a été envoyé. Visiblement, le lendemain, le message a été reçu. Mais ça a été reçu. Par contre, la célébration d'après-match de Montpellier était un peu tendue quand même. Ah ouais, ça faisait partie du truc. Si j'ai bien compris, l'explication, c'est ok, c'est une victoire importante face à un candidat aussi dans la course au maintien. Mais on va pas faire la fête pour autant parce que c'est qu'une victoire et c'était que la troisième ou la quatrième de la saison. Enfin, on va pas sauter au plafond. On était quand même en février. Quoi. Ouais, c'était la première à domicile. C'était la première à domicile en plus. Oui, c'est bien sûr. Oui. Parce que ça a fait des vagues dans la twittosphère. Non, je crois pas, parce que justement ça a été peu repris, mais bon, le but c'était un petit peu de genre justement d'échanger avec les joueurs, hein. Enfin de pas échanger en fait, de leur parler. Voilà. Ouais, enfin, le grand public a bien vu ce qui s'est passé au stade, que le COP a pas voulu fêter avec les joueurs. Quand même peu de gens étaient au courant de ce qui s'était passé la veille, et donc s'ils avaient eu la perspective plus globale, peut-être que voilà, c'était peut-être plus compréhensible. Donc il y a quand même certaines personnes du COP qui ont déminé le terrain dans les jours qui ont suivi pour expliquer un peu le pourquoi du comment. Quoi. D'accord. C'est vrai que ça n'a pas été relayé dans la presse ou dans les divers médias volontaires. Ni dans un Racing Inside. Ni dans un Racing Inside au milieu des supporters. C'est-à-dire les supporters se mettent au niveau de Marc Keller quand il négocie ses mercatos avec les joueurs, complètement en sous-main et ses entraîneurs, il n'y a rien qui filtre. Ouais. Visiblement, les supporters, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose qui filtre. Donc on se dit, peut-être qu'on lance. J'ai juste une question militaire. Non, pas du tout. Je vois que Matzels se prend un carton jaune à la 84e. Ouais. Est-ce qu'il jouait la montre ? Oui, bien de temps. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui hurlent à la mort sur le gardien de... dont moi, d'ailleurs. De Brest. Sur le gardien de Brest. Mmh. Mais est-ce qu'on ne devrait pas balayer devant notre porte ? À l'époque, Oukidja, c'était pareil. J'allais dire, Oukidja, ouais, on a pas le fan quand il tapait ses crampons contre le poteau, on a glissé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais le football n'en sort pas grandi pour autant. Non, tout à fait. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est souligner les contradictions, les paradoxes de mes contemporains. Voilà. Donc, on se dit, c'était pas joli, joli, Montpellier est mauvais, mais ça peut donner une bonne dynamique à Mathieu. Ouais. Je crois que c'était un signe, tu sais, qu'il fallait attention. Il y a une info. Attention, marquez la réduction. Quand j'ai fleur la cuisse, c'est pour d'autres raisons. Donc, on se dit, à Lille, ça va être compliqué, mais il y a moyen. On y va en guerrier. On va essayer de montrer quelque chose. On va se battre, quitte à perdre, on va lancer le truc. Et là, le match de Lille. Voilà. J'ai pas de mots. 4 minutes, 5 minutes, ça a pris combien de temps? Néon. Vous tremblez, néon. Et vous sentez votre fin proche. Ouais, le néon, je crois que voilà, on peut résumer le match comme ça. À part la fin du match, quoi. Oui, voilà. Sportivement, il s'est rien passé. Sportivement, défaite à Lille, On a cadré une frappe à Lille? J'en suis même pas sûr. Ça faisait partie des ratios. À un moment, on se retrouvait avec deux frappes cadrées. L'autre match, c'était 0. Et 20% de possession. Pourriez-vous nous donner les expected goals de Strasbourg pour le match Lille Strasbourg? Bien sûr. Je vous invite à continuer. Si tu tires pas au but, c'est 0, je crois. Il n'y a pas de. Non, parfois, il y a les non-shot expected goals maintenant. Alors là, il faut que tu les expliques. C'est quand tu es en position de pouvoir tirer, mais que tu ne tires pas forcément. C'est génial, ça. J'aime tes présentations. C'est les Jean-Claude Duss, en fait. C'est un jeu. Mais le pire, c'est que c'est utilisé vraiment dans les clubs. Oh, j'espère bien. Alors, allez-y, parlez. Qu'est-ce qu'il y a eu de marquant Dimitri Lénard, le reste, on s'en fout. Oui, Dimitri Lénard à la fin. Moi, au début, je crois qu'il s'embrouille avec. Un Lillois, ce qu'on voit les Lillois qu'ils ont, je veux dire, il y avait un tampon sur, je crois, sur Candil. Mm. Je me dis, les mecs, ils règlent un peu leur compte. On entend que je mange, je crois, c'est ça. Rachmaninoff, si tu nous écoutes. Ils règlent leur compte, et en fait, pas du tout, au replay, à la VAR, on voit que c'est deux joueurs strasbourgeois qui se chicanent. Non, c'est Lienard qui chicane Candil, Candil n'a rien fait. C'est ça le pire. Je voudrais juste vous dire, 0,3 en expected goals. C'est pas mal. Et combien de tirs? Je vais te dire. Je continuais. Non mais zéro. En vrai, on a eu 5 tirs, mais 0 cadré. Mais je crois qu'il y a un centre-tir de Sobol à la fin. Qui est cadré, il est pas considéré comme cadré. Parce qu'il est dévié. Non, parce qu'en fait, il veut centrer. Et c'est gardien qui l'intercepte. Aussi, à ce moment, on avait 0,5 quoi de expected goals. C'est possible. Mais l'histoire Candil, effectivement. Oui, on revient à ce qui est important. Oui. Ah, donc ce qui est sorti. Vous connaissez Wayne Gretzky, qui était la légende. Tout à fait, bien sûr. Il avait une citation très connue qui dit que tu rates 100% des tirs que tu prends pas. Et c'est tellement vrai, parce que à un moment donné, quand tu tires pas au but, tu peux pas gagner des matchs. C'est basique. Hein, tu peux avoir un CSC. Ouais, enfin, ça peut arriver. Hein. C'est quand même. Voilà, à un moment donné, quand tu es si peu dangereux. Lille, c'est dans le même ordre d'idée que Rennes. On était aussi peu dangereux à Lille qu'à Rennes, non? Je crois que Lille, c'était pire que Rennes. Ouais, donc c'est pour vous dire, dans la médiocrité, on arrive à creuser encore. Quoi. Ouais. Mais Rennes, j'ai l'impression que c'était sympa. Parce qu'ils auraient pu en mettre 3 de plus. Mais Lille aussi. Lille, c'est leur problème cette année, c'est qu'ils jouent assez bien. Enfin, c'est une des équipes qui jouent le mieux en France. Quand ils jouent. Mais par contre, ils ont un mal fou à se créer des occasions. Ou à se montrer réaliste face au but. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait de la compassion chez l'adversaire à ce moment-là, dans cette période. De la pitié. Cette période MLS, tu vois, où il y avait. C'est un mec sympa, je pense. Voilà. C'est l'humanisme nordiste. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais donc. Candil, alors. Alors, est-ce que c'est un symptôme d'un groupe qui vit mal? Est-ce que c'est juste Dimitri Liénard qui pète les plombs? Bah, c'est Liénard qui pète les plombs. T'as dépassé la date limite, ouais. Parce que quand... Ah, carrément la date limite. Ouais, je pense, ouais. Parce que Candil rentre en fin de match, c'est forcément pour apporter ses qualités, qui a été dribble d'aller percuter balle au pied. Et Liénard, ça lui a pas plu, et à la fin, il a une mauvaise réaction. Enfin, il lui saute dessus, hein. Il l'étrangle. Mais il l'étrangle un peu façon Antenitier contre Sylvain Armand, je trouve. Au même endroit. Ah, ouais, mais Sylvain Armand. Antenitier, c'était justifié parce que Sylvain Armand lui avait sorti une crasse sur sa femme. Puis Sylvain Armand. Déjà, Sylvain Armand, gratuitement, quand tu le crois. Déjà, Sylvain Armand. Puis Antonetti, quoi. Antonetti. Ouais, ouais. Donc ouais, Liénard qui est hyper nerveux en ce moment, qui s'énerve contre un jeune qui a joué 10 matchs dans sa vie. Ben voilà, c'est assez triste. Mais bon, ouais, c'est triste. C'est pas le plus important. La conséquence n'est pas le plus important ce match. Parce que après Lille, un petit peu. Alors c'est pas. On s'attendait à ce que Le Scornet dégage. Peut-être Le Scornet, pardon. Bah surtout que c'était le premier match de Le Scornet où le Racing paye une amende de 25 000 euros. Et là, marqué la facture ce matin sur les bureaux. Qu'est-ce que vous avez fait à Lille là? C'est quoi? C'est champagne? Alain, qu'est-ce que c'est que cette facture? Non, on peut plus continuer comme ça. Et donc Angers. Non, mais donc non, là, oui. La semaine là. Donc Antonetti. À la surprise générale. Ah bah non, moi je l'annonce depuis 6 ans. En sous-main, comme je le dis, Marc Keller à chaque fois négocie sans il y a rien qui filtre. Et ça arrive du coup, je crois que c'est l'équipe qui l'annonce un tout petit peu avant les DNA. C'est Anthony Luciani, c'est un supporter de Bastia, ancien de Testa Mora. Testa Mora, copain de bistrot de Fredo, quoi. Alors, qui j'ai échangé plusieurs. Un copain de bistrot de Fredo, effectivement. Ouais. Qui annonce ça, c'est repris par les DN, par l'équipe derrière. Il a vendu pour le scoring. Exactement. Donc l'info sort vers 4h et le Anthony qui arrive à 21h par le train à Strasbourg. Directement à Metz. Je sais pas d'où exactement. Bah, pas de Bastia, ça c'est sûr. Par le train, c'est compliqué. Ou alors il est arrivé à Paris, il a pris le train. Là, je sais pas ça, il faudrait lui poser la question. Mais en tout cas, Antonetti qui arrive. Et là, on se dit. Et le Scornet qui part parce que. Non, il part en vacances. Mais là, aujourd'hui, au moment où on enregistre Radio Choub, est-ce que quelqu'un sait s'il est dans l'organigramme? Est-ce que le mec est parti en vacances? Est-ce qu'il s'est baigné? Il a été hydrocutionné? Il a coulé comme une pierre? On sait pas où il est? Il est parti à côté de Rennes chez sa famille. Génial. Chez sa mère, exactement. On le reverra après. Chez sa famille, il a été dans l'exploitation, les cochons l'ont bouffé. Non, mais le Racing. On parlera d'Antoine juste après, alors, mais le Scornet. On peut terminer sur le Scornet. Le Racing veut le garder pour l'aider à passer ses diplômes. Donc, c'est-à-dire qu'il doit prendre une équipe quand il doit passer. Je pensais qu'il voulait le garder pour contrôler les abonnements en tribune. Mais c'est sûrement aussi une embrouille, il y a sûrement une aide de l'État si tu as des stagiaires ou à passer dans l'école. Non, mais. Ça, donc. Évidemment. Non, mais le Scornet, c'est quelqu'un de très compétent à la formation. Ou alors, il est reconnu. Il peut peut-être promouvoir le Twitter du club en breton, peut-être. Ouais. Ah ouais, il veut ça avec Ah, vous êtes méchant. Et du coup, s'il veut passer son BEPF, il est obligé d'avoir une équipe. Okay. Passe ton BEPF d'abord. Et après, il aura le permis. Et aura. Mais après, c'est pour le revendre. Pardon. Et au Racing, des équipes, t'en as pas 150 non plus, hein. Donc, c'est soit il prend la réserve, soit il prend la U19. Il y a les filles aussi. Mais ça compte pas. Mais non, c'est pas du football. Qu'est-ce qu'on est con. C'est pas du tout vrai. Donc voilà, faut juste voir ce qu'on en fait de Le Scornet, mais il doit prendre une équipe. Mais 15 jours de vacances qui se transforment en 3 semaines, quoi. Bah, il est peut-être revenu et on communique pas là-dessus. Oh, bah, pourtant, on communique beaucoup sur tout et n'importe quoi. Ouais. D'accord, donc ça, pour l'instant, c'est un emploi fictif s'il est revenu et qu'il travaille pas. Ouais. J'essaierai de me renseigner pour le prochain Radio Choub. Ah, merci. Ah. C'est peut-être positif. Moi, c'était mon angoisse de ce soir que la Torre ne sache pas, et effectivement, c'est. Ouais. Après, c'est peut-être posté sur Baidu. Ah oui. Non, sur Weibo. Weibo. C'est quoi Baidu alors? C'est un truc de. C'est un truc de rencontre. Ouais, c'est ça. Je les confonds tous. C'est un truc de rencontre qui ressemble à. Chinois qui ressemble à un truc de rencontre. Mais oui, la dernière fois, je voulais acheter des ustensiles pour la cuisine. J'ai reçu des trucs très bizarres. D'accord. Donc Antonetti. Antonetti arrive. Alors là, on se dit, bon, c'est quand même pas mal. Il fallait faire quelque chose. Je sais pas si. Il y en a qui se disent, c'est vrai, non? D'accord, c'est pas. Moi, je me suis dit, hop, pourquoi pas. Ah, oh, bah, carrément, moi. Ouais, non. Non, pas, Fabrice, tu veux... Ouais, je sais pas, non. Oui, il fallait faire quelque chose, sans doute, mais Antonetti, c'est se renier complètement de ce qu'on avait élaboré. Ah, c'est l'anti-Julien Stéphane. Voilà. Ah, bah, oui. Alors, d'accord. Est-ce qu'il y avait pas la place pour deux genres idéaux, ou Racing, va savoir... Ouais, bien sûr. Ça, c'est peut-être... Il y a un genre de ça, quoi. Voilà, ouais. Le genre a tué le genre, voilà. Et qu'il fallait revenir à des fondamentaux, à du terroir, quoi. Un homme qui a 600 matchs, plus de 600 matchs en Ligue 1, donc une expérience, contrairement à quelqu'un qui n'avait même pas le diplôme et il fallait payer en plus pour qu'il soit sur le banc de touche pour se faire dépasser par les altercations de ses propres joueurs. Non, mais absolument, enfin, je veux dire, on avait assez reproché que ça avait pris beaucoup trop de temps à l'époque pour virer Jean-Luc Keller. C'est François. On l'a pas viré au final. Ouais, mais mettre Duguay Pérou. Oui. Alors qu'il fallait nous sauver quand on est dans une situation de merde. Bon, Antonetti, ça fait rêver personne. Bah, a priori, son passif, ce qu'il a fait avant, ça peut être dans la situation pourrie dans laquelle on était, ça peut être un truc d'urgence. Moi, j'ai l'impression que la commu Racing a pris ça du bon côté. Vraiment, les gens étaient contents. Parce qu'ils sont jeunes. Est-ce qu'il fallait faire un grand reset de la matrice du Racing, peut-être. Sûrement. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il est arrivé et que j'ai pas lu beaucoup de commentaires négatifs en disant Antoine qui arrive. Mais c'est parce qu'ils le connaissent pas. Ils sont trop jeunes. Si, si. Ben, tout le monde le connaît. Parce que la réalité, c'est que commencé à coacher avant qu'il soit né. Mais exactement. La réalité, c'est que moi, j'aime le personnage, mais je sais très bien que niveau foot, c'est une horreur. Ça va être horrible. Et tout le monde est allé sur YouTube. Le personnage est très sympa. Il dit bonjour, je vais serrer la main. Ah ben, en plus, tu vois. Voilà. Il dit bonjour. Oh, le mec, il est poli, en plus. Waouh. Wow. On aurait jamais su que c'était un joueur en série. Et le mec, il disait bonjour. Je pense que si tu l'invites à un apéro, tu discutes foot avec lui pendant des heures, c'est très sympa. J'ai cru comprendre à Metz que ce qui avait un peu précipité sa chute, c'est son fils. Oui. Qui est agent. Bah oui, qui est Eric. Bah, qui a un grand portefeuille d'agent, qui a notamment fait venir Louis Mafuta, l'attaquant qui joue en D2 Suisse. Mais qui marche bien à Quevilly cette année. Voilà, vous saurez tout. Voilà. Donc. Et donc, Antonetti, l'entraîneur, effectivement, c'est un mec qui a, je pense, 20 ans de retard sur la vision du foot aujourd'hui, qui utilise les vieilles méthodes. Alors, tu dis ça parce qu'il regarde des cassettes vidéo. Ouais. Il regarde les matchs quand même. Dans son garage. À l'époque, je pense que dans les 2000, il était peut-être en avance, il avait des méthodes qui fonctionnaient. Enfin, il a eu des bons résultats à Rennes, à Nice. Voilà, là-dessus, ça marchait très bien, il y a 20 ans. Par contre, aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est ce qui est un peu ressorti de ces conférences de presse, c'est les entraînements où vas-y, on va mettre de l'intensité, on va jouer avec les couilles. Là, on va rentrer. Ouais. C'est important de jouer avec. Non, mais c'est les vieilles méthodes il y a 20 ans, formaté unique ATF. Effectivement, le changement est radical par rapport à Stéphane qui, lui, a une vision moderne qui n'a pas forcément fonctionné cette année. Il y a une vision fluide, j'ai envie de dire. Voilà. Mais effectivement. Là, pour un électrochoc, je pense que ça marche. Ça peut marcher. J'y crois pas du tout, personnellement. Ah, bon, merde. Mais c'est peut-être la chose à faire. Moi, j'aurais pris quelqu'un d'autre, mais pourquoi pas. J'ai plus de crainte si on se maintient, par contre. Parce que là, on le prolonge d'un an. Ouais. Et si tu le laisses aux manettes, avec son fils, agent, avec Keller qui se barre en même temps. Non, mais avec sa vision du foot, on va se retrouver avec des grands 6 costauds, comme dans les années 2000, des Alou Diarra, des mecs comme ça. Allez, pas Alou Diarra le vrai. Ouais. Hein, mais ceci dit, t'inquiète pas, on va pas se maintenir. On a Sissoko et Aoulou. Hein. Oui, c'est pour ça peut lui convenir. C'est un des trucs. Alors moi, j'ai un avis vraiment différent. Sur Sissoko? Non, sur notre ami Antonetti. Mais j'adore la Corse. Hein. Ouais, le mec qui veut partir en vacances, il essaie de se dédouaner. Non, dans le sens où je pense que j'ai. Déjà que j'en avais pas beaucoup, mais j'ai perdu vraiment toute confiance dans le football. Ouais. Et. Quand je vois l'équipe là, la saison qu'ils nous font par rapport à la saison dernière, je me dis, tu peux foutre un entraîneur, tu pourrais mettre un Nan Baté, ça serait pareil quoi. T'obtiendrais un résultat où en fait c'est en informatique on appelle ça random quoi. Tu sais pas. Tu sais pas ce que tu peux avoir. Tu peux avoir le meilleur entraîneur du monde. Moi, j'entends que Stéphane, il était sûrement une vision plus moderne du football et que il proposait des choses intellectuellement plus abouties et plus intéressantes. Résultat, il s'est quand même planté dans les grandes largeurs cette année, avec le même effectif ou presque l'année dernière. Ouais. Tu peux mettre un Antonetti qui cette année va peut-être nous sauver par un miracle, à Notre-Dame de Strasbourg en brûlant des cierges, mais que peut-être que l'année prochaine, j'en sais rien, le mec nous envoie en Coupe d'Europe. Pour moi, il y a vraiment pas de règles et la part du coach là-dedans, je trouve que c'est risible. Des coachs qui sont encensés en novembre sont brûlés sur le bûcher en mars. Et c'est ça le foot machin. Ouais, et du coup, sauf que si moi j'y crois pas du tout. J'y crois pas à l'influence du coach. Moi, ils auraient pu mettre n'importe quel teubé, c'était pareil. Et il aurait eu autant de chances statistiques de nous sauver. On a essayé avec le Scornet. Merci. Ouais, ça n'a pas marché. Ouais. Et ça très bien le Scornet. Hein. Mais oui, mais c'est ça le problème. Non, mais là, il fallait quand même créer un choc, le fameux choc psychologique. Oui, c'est ça. On joue que là-dessus. Hein. Après. Je trouve qu'il tarde à se faire ressentir. Enfin, on ressent au niveau des points, le double choc psychologique, là, je pense que bon, maintenant, on va perdre encore un match. On rechange d'entraîneur. C'est ça. Moi, on prend nouveau 7 points et on se maintient comme ça. Ah ouais, non, parce qu'après Antonetti, il y a quoi? Il y a Corinne Diacre, éventuellement. Qui peut faire l'affaire. Ou alors, a priori, elle est ou alors Lienard, entraîneur-joueur. Hein, Lienard, entraîneur-joueur pour finir la saison à Lorient. Ouais, ça, c'est parce qu'il faut qu'on batte Angers en punkitude. Il faut. Là, on est tellement largué. Il faut faire un truc énorme. Voilà. Donc, justement, après la nomination d'Antonetti, quel match on a eu à jouer? Angers. Oh, la transition exceptionnelle. T'as raison que je suis pour rattraper le coup. Ouais. Ben là. On s'est régalé, nous. Hein. Oh là. Ah, magnifique. La première mi-temps, c'était pas mal. Oui, mais la deuxième. Oh, j'ai les stats. Parlons de la première. J'ai les stats. Possession. Alors, allez. Moi, je dirais dans tout le match. Ouais, mais j'ai que les 7. En deuxième, on doit être à 30. Donc, du coup, je dirais un bon vieux 50-50. Eh bien, non. 36% pour le Racing. Ah. Sur l'ensemble du match. Le jeu de transition. Enfin, ça s'appelle la contre-attaque, mais maintenant, c'est ça. Le jeu de la transition. Tout à fait. Le jeu de la transition énergétique, sûrement. Exactement. Et alors, on fait en expected goal, on fait 1.5 et ils font 1.1. Et combien de litres d'huile en deuxième mi-temps? Oh, bah, c'était atroce. Non, c'est vrai. Franchement, mais là où j'ai pas regretté d'être arrivé bourré au match. Non, mais ce qui était assez curieux, c'est que cette victoire-là, donc, tu sors de la zone de relégable. Mm-hmm. Et normalement, tu dois te dire, oh, le week-end est réussi, tu te relâches. C'est vrai qu'en plus, les résultats étaient cool. Rappelle-moi, c'était quand ce match? C'était un samedi soir? C'était un samedi soir. Oui, c'était l'affiche. Une affiche de quelqu'un. Donc, il y a un mec qui a décidé à la Ligue de dire que Strasbourg-Angers, c'est l'affiche du samedi soir 21h. Mais c'est parce qu'elle est coupe d'Europe. Non, mais à la Ligue, arrêtez de prendre des saladiers de coke. Non, ça commence à se voir. Non, mais il y avait une justification. C'était les coupes d'Europe, donc les Européens devaient jouer. Il y avait rien de mieux que Strasbourg-Angers. Hein, si. Ah, mais je sais pas. Imagine le mec au fin fond de sa province chinoise qui a acheté les droits TV sur un IPTV pourri pour aller voir Strasbourg-Angers. Le mec, Moi j'ai autre chose. Je pense aux Japonais qui regardent tous les matchs du Racing depuis le mois de janvier pour voir Suzuki. Qui ne voit pas Suzuki et qui voit des Strasbourg-Angers. Ouais, et clairement. Est-ce qu'il y a une question sur Suzuki? Oui, il y a une question sur Suzuki. Bah. Bien sûr, les questions Mitchell sont de retour. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes ce week-end chez Suzuki? C'est pas la question. C'est pas ça. Mais sur le site racingstube.com, il y a les règles. Ouais. Déjà, il y a les règles. Bon, on espère que le site va continuer après le mois de juin, mais enfin, il paraît que ça pourrait partir en couille. Le mercato semble agité. Alors, il y a le 8 mars, à 12h34, Il Vecchio nous demande, Suzuki, pour l'interrogation, est-il venu combler la solitude linguistique du vieux mais très bon Kawashima? Alors, je traduis le Il Vecchio. À quoi ça a servi de recruter Suzuki? Bah, tu recrutes un jeune qui est plutôt très bon. Moi, je l'ai vu jouer pendant 90 minutes avec la réserve contre Bisheim. Ah, c'est pas pareil. C'est suite. Contre Bisheim, assis juste derrière Frédéric Antonetti, d'ailleurs. Hein. Bah, comment il fait pour jouer pour s'il est assis? Non, Frédéric Antonetti, il était assis. Il joue à quel poste? C'est un 8-10. Je pensais que c'était un ailier. Non, il fait un joueur axial. Et moi, là où je l'ai beaucoup apprécié, c'est à l'échauffement, ils font des espèces de jeux réduits à 10 contre 10. Faut faire pas 10 contre 10 à 55 avec des. Faut faire. Tu vois quoi, ça? En fait, faut faire 10 passes sur des espaces réduits. Et là-dessus, il a une technique. Même chez l'équipe première, je suis pas sûr qu'il y ait un joueur aussi technique. Même Tom Settle. Ok. Donc là-dessus. Avec le ballon, c'est un super joueur. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, je pense qu'il aura encore quelques semaines d'intégration parce que. Et on va le voir jouer, tu penses? En une, c'est. Bah, si on le maintient, c'est compliqué. Mais là, en fait, on l'a pris pour 6 mois pour voir s'il s'adapte, s'il est bon. C'est un essai grandeur nature. Et on lèvera l'option d'achat parce que c'est quelques centaines de milliers d'euros. C'est 400 000. Oui, je crois. 400 ou 500 000. C'est ridicule. C'est même pas la, même pas la salle de bain de Gilles Larkis. Non. Bah, pour un joueur qui a déjà fait, qui a déjà eu une convocation en équipe nationale A, qui est international chez les jeunes, enfin, c'est... qui est le deuxième japonais à évoluer au Racing. Excusez-moi. Oui. Après, moi, je doute quand tu dis que c'est peu probable qu'on le voit. Quand tu as assisté au dernier match qu'on parlera un petit peu après dans le sommaire. Ouais. C'est impossible qu'à un moment donné tu donnes pas ta chance à d'autres joueurs parce que vu ce qui est vu ce qui traîne sur le terrain, t'as forcément envie de tester mais quand tu n'importe maintiens, quoi. Mais je crois qu'il y a une question militaire. Non, quand tu joues maintien, c'est plus compliqué. Si je veux juste rebondir. D'autant qu'aujourd'hui, Frédéric Antonetti, dans la presse quotidienne régionale, c'était aujourd'hui ou hier, je sais plus. Oh, c'était peut-être hier. Non, ça. Il faut que les joueurs s'entraînent bien pour les faire entrer en jeu. S'ils s'entraînent mal, ils n'entrent pas. Et donc. C'était le lendemain du match. C'était le 6 alors. C'était lundi. C'était lundi. Je pense que c'était dans la foulée du match. Alors, et c'est comme ça qu'on va se sauver. À un moment donné, il faut une prise de conscience. Du coup, il a ses chances. Mais je suis pas sûr qu'il dise Suzuki là-dessus. Ouais, non. Petite attention à tort. Scoop. Il apprend le français. Antonetti. Suzuki. Suzuki apprend le français. Avec Kawashima. Avec Kawashima, il apprend tout seul. Il prend des leçons, enfin avec les applications. C'est un mec bien, voilà. Il a un dictionnaire. C'est ça, quand même. Il se balade avec un dictionnaire français, français-japonais. Il mange du master? Ça, je sais pas encore. Mais il aurait bien raison. Et en plus. Est-ce qu'il sait dire Yetskipskos? Ah, ils l'ont oui. pas fait. Ah, il l'a pas fait. Non, ah, il l'a pas oui, fait. Il avait. Il y a une belle vidéo. Alors, justement, il y a un truc intéressant, c'est que. Il est vraiment considéré comme la quatrième recrue du mercato. Oui. Mais on comprend à demi-mot que c'est de la post-formation et que a priori il sera plus amené à jouer si tant est qu'il joue en fin de saison plutôt avec la 2 qu'avec la 1. Et pourtant il a eu le droit à une vidéo. Les gens du coup, comme le club communique en disant attention, on a déjà fait signer les joueurs pour la 2 hein, et qui éventuellement pouvaient. Mais là je trouve qu'ils ont vraiment monté la mayonnaise. C'est pour les réseaux. C'est pas de la post-formation. C'est un joueur qui a fait trois saisons en première division japonaise, qui a plus de 100 matchs en pro, qui a été un seul chez les jeunes. Enfin, c'est pas ça la post-formation. Ouais, mais post-formation, on a une pénurie de milieu de terrain. Mais parce qu'il a besoin de s'adapter. C'est la même chose. Mais justement, contre Bissheim, le match contre Bissheim, le deuxième but, il est un peu pour lui parce que il a le ballon et il se la fait prendre par un joueur qui arrive par derrière parce qu'il comprend pas quand ses copains lui disent laisse. Enfin, non, ça vient, je veux dire. Ça vient. Le mec, en japonais, ça veut dire master. Non, mais rien que ces petits mots qui sont la base du foot quand tu joues au foot, il les a pas encore. Quand Dimitri Lénard l'étrangle, il ne comprend pas. T'as besoin de 20 mots à comprendre, ça devrait le faire. Mais il est arrivé il y a 3 semaines, un mois, là. 3 semaines, 20 mots en 20 jours. 20 mots et Non, j'ai pas. Ils le font toujours ça, les gens sur les terrains. Ouais. Non mais après. Vraiment, il y a un bruit. En bas de mon immeuble, ils le font toujours. L'histoire de la présentation de la vidéo, parce qu'on se rend compte que c'est que de la communication, c'est juste pour cacher le désert du mercato. C'est-à-dire que on a vendu, on a bradé, on s'est fait dépouiller d'Ajork et de Thomasson. Et qu'est-ce qu'on arrive? Thomasson, il joue encore à Lens? Oui, il joue. J'ai vu au début, oui, mais maintenant, c'est vrai que je vais pas me faire chier à regarder ma gueule. Le maillot, là, à l'extérieur, il joue en vert, maintenant, c'est pour ça qu'on les reconnaît. Ça fait quelques années. Ouais. C'est la vraie couleur, apparemment, de la séance. De toute façon, les mecs sont mineurs, ils sont noirs. On le connaît, mais c'est bon, on nous sait. Il y avait un truc intéressant, quand même. C'était, quelqu'un a dit, Antonetti, populaire ou populiste? On s'arrête là, je pense. Populaire ou populiste? Populaire, ça me surprendrait, mais apparemment, la commu. En tout cas, moi, j'ai pas vu de choses où des gens ont hurlé à la mort en disant que c'était vraiment un mauvais choix de prendre. Il y a des illustres radio-stoubistes, dont un qui a un avatar Pierre Desproges sur le stoub. Ah ouais, lui. Il est personne. Ouais. Il est nihiliste, il aime rien. Il le comparait à un dirigeant politique italien des années 30, 40. Ah voilà. Antonetti. Oui. Pour rester dans la commu élargie, il y a une personne qui était très contente pour une fois, du coach du Racing, c'est Pierre Ménès. Mais Pierre Ménès, c'est à cause de lui que j'ai appris qu'il y avait une commu. Racing, voilà. Parce qu'il a fait un tweet en disant que la commu Racing était toxique. Lui a adoubé Antonetti alors qu'il détestait l'oreille, c'est son ancien collègue de Canal Plus. Le baiser de la mort. La commu Canal Plus, quoi. Ouais. Baiser de la mort, voilà. Du coup, on a échappé à Bill Bay, en fait. À Bill Bay, ça m'aurait bien plu quand même. Bah, c'est mieux qu'Antonetti, hein. Il a été condamné par Manet cette semaine. Ah, bébé, ça fait. Non, il a réquisition. C'est la réquisition, je pensais qu'il était condamné. Bah, 8 mois avec sursis. Mais il a été condamné. 12 barres d'amende, condamné pour avoir. C'est tout, comment? Non, par rapport à pour toucher les filles. Ah ouais. Les camions. Qui n'a pas, je voudrais citer un. Qui n'a jamais touché. C'est vrai, mais ça parle aujourd'hui. Ouais, ça a bien marché, bien. 5-0. Est-ce qu'ils l'ont viré parce qu'il a pris 5-0 ou parce que sa causerie était. Sa causerie, il n'y avait pas que ça dans la causerie. Non, s'il aurait gagné, les mecs, ils auraient dû. Donc l'entraîneur en danger. Oui. Ok, donc Antonetti. Non, populiste. Alors. Wait and see, hein, le credo du film. Attends quand même, populiste. Ah. Parce pourquoi que, dire dans la presse, ces trucs, genre, mais les joueurs, il faut qu'ils s'entraînent bien, sinon ils jouent pas. À part pour les gens. On fait des entraînements plus intenses, on double les séances. Mais à part pour faire plaisir aux gens qui font au charbon, on n'a pas de l'attaquant allemand, je vois pas dans, dans les faits, le mec fait pas rentrer les gars qui l'estiment pas. C'est vrai. En fait, il a quand même mis Aoulou et Bidule. Ouais, mais au bout d'un moment, t'es obligé d'aligner 11 joueurs titulaires. Hein. Il a pas dit qu'il aimait le 11 qu'il a mis. D'accord. Non mais après il a quand même placardisé. Persic semble au grand dame de. Persic et Motiba ont l'air d'être les grands perdants de l'arrivée d'Antonetti. Mais Motiba, ça fait pas 3 coachs qui le font pas jouer. Non mais Motiba, il est perdu pour le foot, il a plus de genoux. Il y a aucun coach qui le fait jouer. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Mais par contre, Persic, du coup, on l'a prolongé 3 ans l'été dernier avec un salaire. Il a arrêté. C'était aussi sur les conseils de Pierre Ménès, Persic. Je crois. C'est vrai? Oui, à l'époque, il avait dit qu'il faut le prendre. Putain, super, merci Pierre. Bah oui. Putain, mais quelle horreur. Voilà, alors donc, du coup, Clermont. Oui, non, Clermont. Ah non, Clermont. Bah oui, Clermont, si. Clermont. Et après, Brest, Clermont. Brest après. Avant Clermont. Avant Brest, il y a eu Clermont. Ouais, ouais. Moi, je l'ai vu aussi. Clermont, alors, du vent. Du vent, ouais. Grand match de football. Bah, horrible, quoi. Ouais. Bah, clairement, je peux dire que c'était bien non plus, mais on n'est pas mauvais dans l'entame. Bah, c'est surtout. On mène. Ouais, on mène, et surtout, on a 25 premières minutes où, clairement, on dépasse très peu le milieu de terrain, on est totalement en maîtrise. Ouais, c'est ça. Finalement, on ouvre le score sur un but un peu chanceux du tibia de Diallo. Diallo. Et d'un coup, comme ça nous arrive souvent, c'est-à-dire qu'on a un temps faible, bon ça peut arriver, et dans le temps faible, on donne des munitions à l'équipe en face qui joue qui joue avec le vent, on lui donne des munitions et on les remet totalement en selle alors qu'en fait les 25 premières minutes, le mec avait la tête sous l'eau et c'est vraiment de notre faute, ouais, c'est pas le super jeu de Clermont qui s'est révélé quoi. C'est juste que nous on a été nuls à chier et on est bien content que celles qui ont fait quelques arrêts, on arrive à la mi-temps chanceusement à 1-0 pour Strasbourg quoi. Mais c'est exactement du carton. C'est le même schéma que contre Angers. Ou même contre Montpellier. Montpellier c'est un peu différent pardon, mais Angers première mi-temps, on est plutôt correct, c'est pas Yuga Bonito, mais deuxième mi-temps. De merde. Physiquement, on a complètement lâché. Bizarrement, moi, je trouve, à Clermont, c'est qu'on a redémarré, donc effectivement, comme on avait fini la mi-temps, c'est-à-dire extrêmement mal, et après, les 20 dernières minutes du match, Clermont, ils étaient, nous, on a fait quelques changements, et on a enfin retrouvé, alors je dis pas qu'on allait emporter le morceau et gagner 2-1, mais les 15-20 dernières minutes, c'était de nouveau un tout petit peu mieux. On a un peu mieux fini que ce qu'on avait parce qu'à un moment donné là, le début de la deuxième, quand on prend le but, alors moi il y a un truc qui m'a profondément énervé sur ce match. On peut parler de Trubert. Hein, c'est tout à fait. C'est la déclaration en fin de match. Laquelle qui nous dit, alors je sais plus qui le dit, mais qui dit ah c'est dommage parce que comme on avait fait une bonne mi-temps contre le vent, on pensait qu'en en deuxième avec le vent, ça allait être plus facile. Ouais, mais à quel moment? C'est le marchand, je crois. À quel moment tu te dis que en Ligue 1, quand tu joues comme une quiche comme Strasbourg, tu te dis qu'un truc, ça va être plus facile qu'on va te donner des matchs. Ouais. Personne va te donner un match. Hein. Ouais, surtout que quand t'as des c'est quoi cette mentalité? C'est une mentalité défaillante. Ça, c'est une mentalité du genre ouais, on a bien fait à peu près la moitié du boulot. Genre toi, tu fais une journée de 8 heures, à midi, tu te dis bon bah cet après-midi je bosse plus quoi. Et le vent va me pousser. Et le vent va me pousser parce que ce matin j'ai traité le dossier le plus dur, le dossier de Madame Michu, je l'ai traité ce matin. Donc cet après-midi j'ai le dossier de Monsieur Schmitt, ça va être fastoche. Et non, c'est quoi cette mentalité? Non mais oui. De toute façon quand on en est à en appeler aux éléments, quand on en est à espérer que les éléments et les dieux vont t'aider, c'est que c'est qu'ils ont aucun espoir sur leur propre technique et leurs propres moyens. Exactement. Alors par contre, comme j'ai pas de vie, je vous laisse. Hein. Comme j'ai pas, je vais parler aux auditeurs. Comme j'ai pas de vie, j'ai regardé longuement l'après-match sur la chaîne. Prime. Sur quelle chaîne? Prime. Que c'est bizarre. Prime. Ah, je comprends pas ça d'ailleurs. Prime apparaît sur ma télé. Oui, ça a une télé connectée. Oui. Non, mais c'est parce que ta femme, elle a acheté des choses sur Amazon, ça n'a rien. Ah, c'est aucun rapport. Ok, d'accord. Rapport fils unique. Baidu. Est-ce que tes enfants ont des nouvelles baskets toutes les semaines, peut-être? Ouais, peut-être. Mais toujours est-il que, je suis resté longtemps et Antonetti est arrivé. Et interview tous les coachs après chaque match. Ça, c'est bien. Je ne savais pas, je découvre. Et donc, effectivement, il était là dans le froid. Les gars, ils étaient, mais frigorifiés, quoi. Il était là et il a dit, ouais, bah, cette histoire de vent, ça marche pas, hein. Tout de suite, il avait dû entendre le marchand. C'est des conneries, ça. Hein. Ouais. Donc, il a tout de suite dégommé le truc. Par contre, là, il m'a inquiété. Alors, il m'a inquiété. Bon, déjà. Vous savez, non, mais j'ai de la sympathie pour le bonhomme, ça. Vous le savez, on le sait tous. Mais il est quand même inquiétant. À la conférence de presse de son intronisation, il avait passé quand même 10 bonnes minutes pour nous expliquer que il venait là, c'était pas une revanche contre Metz, c'était une revanche personnelle, mais franchement, c'est pas grave, mais ça a duré 10 minutes pour nous dire que revanche personnelle, tatati, tatata. Après le match de Clermont, les mecs lui demandent, il pose des questions au carapace, il fait, ah, et au fait, je voulais dire, c'est pas une revanche contre le FCMS, c'est une revanche personnelle, je voudrais le dire, et etc., etc. Le mec va finir à l'HP. Avant la fin de saison. Voilà. Bam! Voilà, genre. Non, mais ça vous inquiète. Donc en fait, c'est pas une à chaque interview, quel que soit le sujet, il le place. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu regardes les interviews, tu vois, c'est ça. Okay. Ouais, non, mais ça vous inquiéterait pas, un type? Comme ça? Enfin, c'est comme un mec qui viendrait et qui dirait, Non, mais s'imagine, tu sais, qu'il a signé à Ajaccio. Mais alors que nous, on s'en fout. Ben, complètement. Ben voilà, je suis apparemment le seul que notre avant-centre, c'est Abid Diallo, alors on peut bien avoir l'entraîneur de Metz. Et on a Thomas Delay, tu vois. On est le FC. Non, on n'a pas Thomas Delay, non. On l'a jamais eu, on l'aura jamais. Non, mais sinon, on peut remonter là, on a eu Zitelli. Allez, hop, on enchaîne. Zitelli, parfait. Donc, clairement, voilà, on se dit, c'est un point à l'extérieur, après on a fait Carnaval. On fait une série, hein. C'est le début d'une série. Oui, c'est le début d'une série, 4 points en 2 matchs. Ça commence en 2. C'est ce qu'a dit Antonetti dans le vestiaire. Ça va pas bien. Ouais, est-ce qu'on fait un côté tribune rapide? Alors là, c'était carnaval, ouais. C'était festif. Ouais. Lisez le côté tribune YouTube, 753 vues. Très mal écrit, hein. Bah, écrit avec le cul. Et la photo de la bâche carotte sur le site des UB. Et la photo de la bâche. Allez sur le site. Nos carottes, nos parties. Exceptionnel. Voilà, donc les supporters, eux, ont pris le bon côté de la chose, c'est-à-dire le carnaval. La vida es un carnaval. Dis avec l'accent Estrasbourg. En Corse. Et bien, ce match face à Brest. Brest, ouais. Concurrent pour le maintien. Tout à fait. Brest, et revanche à prendre sur le match aller, où on s'était fait un petit peu. Où Gamero avait croqué la feuille de match. Ouais. Et Brest, un match qu'on aborde sans Morgan Sanson. Exact. Du coup, je me permets de parler un peu de recrues en même temps. Enfin, on va parler du mercato, mais Morgan Sanson est une recrue importante du mercato, parce que c'est un des seuls mecs. C'est le seul mec technique au milieu de terrain. Qui a joué au foot, ouais. Et donc là, sans lui, bah on aligne un milieu de terrain Sissoko, Aoulou, Lienard. Voilà, Sissoko, Aoulou, Lienard. Ouais, non mais là c'est horrible. Le triangle des Bermudes. Bah on s'est perdu là-dedans. Ouais. Et il y a un joueur qu'on a oublié, dont on parle plus du tout. C'est Jean-Jean. Ah ouais, bah, qui est blessé, qui va revenir en vacances avec le mars. Il est en vacances avec le Scornet. Parce que il nous manque quand même, mine de rien. On en voudrait pas croire. Ouais, il a joué à Lille. Jean, il est rentré en fin de match. Ouais, Dany Jean. Bah oui, bah tu dis Jean, Jean. Jean-Jean. Parce que Jean-Jean, lui, c'était un Sanson du Racing, quoi. Ah, merci Thiago Mendes de l'avoir taclé à Lyon. Pas de carton jaune, hein, merci. Merci monsieur l'arbitre. Ouais. Son descente à cause des arbitres, évidemment. Évidemment. Voilà, donc, mais du coup, un milieu de terrain cataclysmique. Moi, je me rappelle des gens qui ont dit, j'espère que vous avez réussi à dormir en ayant vu la compo du milieu de terrain du Racing. Donc, il y avait des indices. Mais le retour de Niamsi derrière. Ouais. Ce qui a fait oublier que la défense centrale était pas Choucard non plus. Hein. Oui, Niamsi Perrin. Niamsi, je trouve que Perrin fait un match assez propre. Ouais. C'est pour te dire, quand Perrin est pas mauvais. Et Niamsi, il a eu ses 2-3 bulles au cerveau habituelles en ce moment, la deuxième partie de saison. Ouais. Il y a un ballon qui vient, ballon, et il tape dans la balle, et ça part en chandelle. Ça peut mettre 100 mètres devant, ça peut être à la verticale, ou ça peut être 20 mètres derrière. Ouais. Tu sais pas où ça va tomber, c'est mettez vos casques, Niamsi a dégagé, bulle au cerveau. Ouais. Alors que l'année dernière, c'était le mec, sûrement la plus belle. C'était peut-être une des meilleures recrues qu'on ait fait la saison dernière, et là, le mec, il revient après la deuxième ou troisième blessure de suite, là. On peut pas dire qu'il était impérial, et c'est vrai que c'est malheureux à dire, mais quand tu vois que c'est Perrin qui est quasiment un de tes meilleurs joueurs, C'est flippant. Un petit peu. Bon. Et ben après bon ben. Bah ce match-là, il y a plein de choses hein, qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Brest a un tir cadré. Parce que c'est le deuxième but qu'ils ont, le premier but qu'ils ont mis ne compte pas dans les tirs cadrés parce qu'il était annulé. Il était en jeu, bien sûr. Donc ils ont un évidemment tir, de loin en un jeu. Putain de tir cadré quoi. Bah après il touche la barre en deuxième mi-temps. Ils ont... Nous aussi on touche la barre. C'est au-dessus de la barre. Mais c'est pas cadré. Et en plus le but qu'on se prend, il y a poteau aussi. Le but qui compte c'est le même que le, à peu près le même que le but qui comptait pas. C'est-à-dire qu'on fait exactement le même. On fait exactement, enfin on n'apprend rien quoi. Dans le même match, même à 20 minutes près. Les mecs, en plus, on joue en 3-5-2, on découvre ce système, hein. Ça fait pas très longtemps que le Racing joue en 3-5-2. Ouais. Donc, les compensations quand le latéral monte. Ah, bah là, on sait pas faire. Terrible, hein. Donc, Sobol qui va centrer. Et Doucouré qui. Et Sobol, peut-être qu'il a aussi un problème de langue, tu vois, comme. Non, mais attends. Pour le coup, Sobol par l'Alsacien, évidemment. Sobol, il est dans la surface brestoise. Ouais. Sobol, il est sur face brestoise, c'est pas à lui de faire 80 mètres pour aller compenser. Non, mais il y a Doucouré qui est à, quoi, 5 mètres. Déjà, tu dois avoir Liénard qui doit être dans cette zone-là. Liénard qui doit être dans une zone. Ouais. Bon. Mais Liénard, il était partout, là. Mais c'est ça le problème. Mais tout le poteau dans la zone. T'as déjà Liénard qui doit être le premier rideau pour bloquer la montée de balle. Et après, tu dois avoir un des défenseurs centraux qui doit coulisser pour compenser. Enfin, on joue à 3 derrière, tu peux, surtout quand un Brest joue en 4-3-3, 3 défenseurs centraux, ça te permet de facilement intervenir. Ouais, de voir venir en plus, quoi. Et ben non. Et ce qui est moche, c'est que c'est Doucouré. C'était horrible parce que tu vois le mec tout seul et tu dis, il est où? Et ce qui est moche, c'est que c'est Doucouré qui va pas sur lui. Alors... Doucouré, il prend le mec qui est dans l'axe. Ben oui, mais comme Lénard revient pas, comme Lénard revient pas. Il y a personne. Lui, il est entre les deux. Mais donc celui qu'on voit, coupable. Celui qu'on voit vraiment, c'est quand là où on était en tout cas, celui que moi je vois. Alors j'ai parlé de moi, celui que je vois à pas faire le truc, c'est Doucouré. Alors que je trouve qu'en premier, Niamsi peut intervenir aussi. Non mais tout le problème est là. Niamsi repérait, s'il avait pas des corbeaux et des comètes qui n'arrêtent pas, il a même chose à faire. non mais alors que on Doucouré, on a un collectif qui fonctionne pas. Non mais complètement, c'est de la merde. Mais ce que je voulais dire, c'est que Doucouré. On se souviendra peut-être de ça sur ce match, alors qu'il a trouvé, on en parlait en première mi-temps. Justement, il a trouvé 2-3 passes super bien trouvées dans des angles pas du tout habituels. Qui ont trouvé les rares fois où on trouvait l'attaquant. On a quand même 4 shots on the target, tu vois. Mais ben ouais, qui avait, je trouve, qu'il avait des inspirations. Donc au lieu de faire la passe habituelle sur le côté pour écarter son côté pour aller tout sur le bois, il a trouvé 3 fois au moins un angle où il est plutôt dans l'axe du terrain, dans la verticalité, j'ai envie de dire. Et il trouve dans le demi-espace, peut-être, j'ai bon là le demi-espace. Oui, c'est ça, oui. Oh, jusqu'à putain, là. Oh putain. Chronique tactique. Cosmidis, tu m'entends? Cosmidis. Et donc, et j'ai trouvé qu'il avait un. C'est le téléphone. Mais c'est le téléphone. Bon. J'ai trouvé qu'il avait un très bon début de match. Mais Doucouré, c'est ça que je voulais dire. Doucouré, il est très bon avec le ballon. Après, c'est en 2003, il a pas encore 20 ans. Il joue Racing, ça sert à rien de jouer le ballon. Il a pas connu Antonetti au début. Ah, Antonetti, qu'est-ce qu'il a dit sur les passes justement de Doucouré dans les... Ah, il a dit un truc. Ah non, mais ça c'est un truc qui m'a énervé aussi, oui. Non, il a trouvé un adjectif. Donc Doucouré, il a la passe éclairante. Non mais c'est... ah ouais. Pour le coup, il a raison. Par contre, là où je trouve que c'est con, c'est quand il dit que Doucouré. Alors Superdoud dit la même chose, mais bon. C'est que Doucouré pourrait jouer en 6. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment une vision d'il y a 20 ans où les mecs, quand ils sont un peu techniques, tu les mets au milieu. Faut pas avoir de mecs techniques derrière. Faut juste avoir des destructeurs qui, Question Minitel. Pile sur ton sujet. Voilà, vas-y. Alors, mais faut que je la retrouve. Superdoud. Superdoud. Il est bon. Non, je sais pas si c'est lui. En attendant que tu cherches, vas-y, finir. Oui, vas-y, bien sûr. En disant que, aujourd'hui, dans le foot, t'as quand même besoin d'avoir des techniciens qui savent jouer au foot, qui savent faire des passes à l'arrière. Parce que on veut construire le jeu de l'arrière. Faut pas avoir juste des pieds carrés, des perrins qui savent faire une relance. Ou des Nerzi qui font des chandelles. Superdoud, justement, du site racingstoop.com. Superdoud, oui, pardon. Le 7 mars à 18h19, demande Doucouré, avec ses lacunes de placement, n'est-il pas fait pour jouer plutôt sentinelle devant la défense en 6? Bah non, c'est un très bon défenseur central. Du coup, il était pas meilleur en 6 aussi. Ouais, mais il aimait pas. Bah oui, mais il aime pas, on s'en fout. On s'en fout, jurisprudence, Ernest Seca. On en a rien à branler. Tu veux venir à Nancy? Alors tu joues là où on te dit. Tu viens dans une entreprise, tu travailles là où on te dit et tu fermes ta gueule quand tu gagnes 100 000 balles par mois. C'est tout. Il y a même pas. Je crois que les mecs, ils ont envie d'être à bas. Quand tu joues aussi mal que ça, tes états d'âme, tu te les roules et tu te les fous dans le horche, mais vraiment le plus profond que tu peux. Ils ont pas voix au chapitre. Et là-dessus, Antonetti, il peut leur fermer leur gueule parce que ces mecs, ils doivent raser les murs, baisser la tête et essayer de nous mettre 16e. C'est ça leur objectif. Et on, je veux plus les entendre jusqu'à la fin de saison. Je m'en fous des états d'âme des joueurs. Je les emmerde. Ils ont qu'à nous sortir de cette merde. Ils nous ont mis dans la merde. C'est à eux de nous sortir. Et ils se débrouillent. Le mec, il joue avant-centre, gardien, milieu de terrain. J'en m'en branle. Mais le joueur vient jouer gardien, donc Exactement. Et là-dessus, sans pitié. T'es pas Gaïoko, s'il te plaît. Sans pitié. Exactement. Tu joues là où l'entraîneur te dit de jouer. Ouais. C'est tout. Tu te débrouilles. Mmh. T'as de la famille? Tu les aimes bien? Dans un instant Radio Stoop, t'avais une super métaphore là-dessus, avec le supermarché. Vous crevez. Ouais. Voilà. Ah bah, j'ai raconté ta bande connerie dans Radio Stoop. Un vendeur au rayon fruits et légumes qui doit bosser au rayon boisson et voilà. Bah oui. Très bien. Ça marche aussi, hein. Voilà. Aucun rapport avec Antonetti. N'empêche que sur ce match, quand même, finalement, on a Liénard qui se raviboche avec Candil aussi. Oh, putain. Alors, le sujet Liénard. Est-ce qu'il y a une question Minitel? Non, mais il n'y a pas une question Minitel, mais j'ai intrigué. Mais on peut parler de Liénard. Oui. Justement, j'y viens. Intrigué par mon guide Pierre Ménès qui parlait de la commu du Racing au sujet de Liénard. Et donc, il y a Fabio79 qui dit: je préfère le coup de poing de Liénard dans le poteau de corner. Là-dessus, un mec lui répond. Donc, le coup de poing de Liénard dans le poteau de corner. Ouais, je sais pas. Ted RCS lui répond: il vit trop pour les caméras. Entre ça et le sprint pour montrer que c'est un mec bien en courant derrière Candil pour le motiver à son entrée. Eh ben, je suis assez d'accord. Sur quoi? Qu'il vit pour les caméras? La réponse. Qu'il vit pour les caméras. Il a l'air de faire tout pour le show, là. Enfin, je sais pas si c'est les caméras, mais en tout cas, pour le stade. Ouais. Pour nous dire, regardez, moi, je suis impliqué, hein, et toutes ces conneries. Et ça a été, pour moi, le sommet, c'était le truc avec Candil. Quand il lui a ébouriffé. Ouais, alors moi aussi, si j'avais Candil à côté de moi, j'aurais envie d'ébouriffer les cheveux. Ouais. Mais moi, j'ai pas le droit. Le juge m'a pas le droit de m'approcher. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec Ted RCS. C'est peut-être de la com, mais en même temps, c'est des gestes qu'on voit pas forcément tout le temps. Donc forcément, le caméraman, le réalisateur, il dit: oh, il y a Liénard, il y a la caméra sur lui, moi je passe un truc. Sûrement. Mais oui. Comme pour Mbappé. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que la comparaison s'arrête là. Moi, je voudrais qu'on commence par les fondations. Déjà, si on pouvait voir des gestes de football, on commence là. Ouais. Et après, pourquoi pas. Surtout pour Liénard, si on pouvait voir du placement, des passes qui arrivent dans les pieds, sur autre chose. Après, on décore. On est bourré de la tête à tendre. Il a chanté, on met la main. Voilà. Il a centré combien, 17 fois là d'après les statistiques. Ah, je vais te dire, allez-y. Mais Liénard, moi j'ai l'impression que là il a ça compte les corners. Il est nerveux à cause de la situation, mais il le montre trop. Et j'ai l'impression qu'il surjoue. Il surjoue effectivement parce que il vit. Mais il même vit pour les caméras, mais par contre la nervosité, ça se traduit aussi sur le terrain, il fait souvent des gestes quand un coéquipier qui rate une passe ou des trucs comme ça. Enfin, il est pas dans l'encouragement comme un capitaine devrait l'être. Il n'y a pas grand chose à encourager en ce moment, je suis d'accord. Mais quand t'as un coéquipier à côté qui rate un truc, t'es vite de l'enfoncer, tu fais pas de gestes comme ça. Il est nerveux parce qu'il a toujours pas de prolongation de contrat comme le marchand ce matin dans l'ADN. Le marchand ce matin, il a pleuré au bord des larmes. Devant les lecteurs. Ta femme adore Strasbourg. Ma femme adore Strasbourg. Moi, j'ai toujours pas de contrat et on est en mars. Mais ta gueule et joue. Voilà. Ta gueule et joue et arrête de te faire des entorses à l'entraînement. C'est Major William, j'adore. Ah non, mais là, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Ces mecs-là qui gagnent 100 000 balles par mois et qui pleurent. Mais ta gueule, tu vois ce que c'est la vraie vie par rapport au truc. Donc là, t'as pas de contrat, t'as ton CDD à 100 000 balles qui s'arrête. Bon, écoute, quand j'ai le temps de pleurer, j'irai pleurer pour toi et mettre un cierge à la cathédrale. Mais faut arrêter les conneries. Et donc, est-ce que les mecs, ils pensent à leur contrat alors qu'on est ridicule et qu'on est à la porte de la relégation? Ils pensent vraiment à leur contrat, ces mecs-là? C'est que c'est des mecs, ils ont rien compris. C'est des merdes. Alors, par contre, moi, j'aurais quand même faire une parenthèse, revenir sur Liénard. Parce que. On parlait de Liénard. On trouvait tous qu'elle aimait les garçons, les gens jouaient mal et tout ça. Vous vous souvenez d'elle aimait les garçons et tout ça. Arriver à jouer mal et qu'à 40 mètres de distance. Cricri, il était bien. Hein. Ouais, Cricri, ouais, d'accord. Acteur studio, mais. À 40 mètres de distance en tribune, tu te rends compte que le mec joue mal. Mais c'est exceptionnel. comment tu peux arriver à autant dégager de fausseté et de je sais pas comment dire, c'est pas de la malhonnêteté, mais c'est nul ce qu'il fait. Moi je pense qu'il est vraiment sincère. Hein. Non, moi je pense que c'est du storytelling. Ouais, c'est ça. Moi j'y crois pas du tout. Moi j'y crois pas non plus. Moi j'y crois pas un seul instant sans geste avec lui. Que ils me disent. Mais moi ça m'allait bien quand ils disaient dans le vestiaire de Lille on s'est réconcilié. Ok. Et ça s'arrête là. Et le fait d'en remettre une couche, là ça sonne faux. Ouais. Complètement ouais. Je suis d'accord. Complètement. En fait on s'en fout. Si on avait gagné contre Brest, c'est génial, tu l'es beau feu. Non mais même encore une fois, tous les gestes de Lienard sur le terrain, la nervosité transmet, c'est contre-productif, hein, ça aide pas. Bon, après quelqu'un l'a dit, je crois, Lienard il est fumé quoi, j'en ai. Ah oui. Bah il est pas bon en ce moment. Non, mais il est pas bon. Alors, dans sa tête. Il est pas bon, mais putain. Mais les œufs sont pires. Hein. Les œufs sont oui, c'est ça le problème. Ah oui, bah, parce que tu parles des centres, mais parlons-en des centres. Bah on a recruté pour avoir des centres, parce que bon, le poste d'arrière droit. Alors l'arrière droit, c'est le nouveau batteur de de quel groupe là, de Spinal Tap là, qui finit en étron vert, gluant, machin, qui disparaît à chaque concert. Chez nous, c'est latéral droit du Racing. On aurait épuisé, je sais pas, 4, 5. Et pourtant, Gilbert devait tout changer au Racing. Ben, ça devait être le sauveur. Voilà. Ouais. C'était Néo, c'était l'élu. Ouais. C'est ce qu'on a annoncé. Hein. C'était Néant. Non, il y a des gens qui annonçaient que c'était pas vrai. Un certain auditeur fidèle. Tout à fait. De Radio. Est-ce qu'on parle de Gilbert là? Parlons des centres déjà. Et après on reviendra sur les centres forcément ça renvoie vers Mercato, vers les joueurs qui sont arrivés parce que il y avait des défaillances à ce poste là. Il y en avait particulièrement à droite. Ouais. Alors que Lienard a pu quand même faire le taf à gauche. Il a bien centré quand même. Faut plus lui laisser ça quoi. Mais Par rapport aux autres, il est bon. Non mais il se démène, c'est clair. Genre, si tu regardes les stats, par exemple, sur les trois derniers matchs, il est toujours dans les trois premiers en nombre de balles touchées. Mais c'est bon, je joue au milieu. Mais oui, non, mais même par rapport aux autres milieux. C'est petit copain du milieu, quoi. Largement. Par rapport aux autres milieux, parce que c'était une stat du match de Rennes, là, où Mandanda avait touché plus de balles. Ouais. Par exemple, il y a... Non, mais quand t'es en défense, mais tu as relancé quand tu l'as combiné avec ton milieu, t'as le choix entre Sissoko et Lienard, tu l'as passé à Lienard. Exactement. Et il y a que... Ça paraît logique. Il y a que Doucouré et Gilbert, justement, qui font mieux que lui sur le match de Brest. Mais à Clermont, c'est lui qu'on a le plus. Contre Angers, c'est lui qu'on a le plus. C'est un problème. C'est un problème. Le dépositaire du jeu, c'est Lienard. Mais je suis d'accord. C'est un problème. Le dépositaire du jeu, avant, c'était Thomasson. Mais il y a eu un mercato qui est passé par là. Thomasson qui voulait se barrer. Qui voulait se barrer. Mais du coup, c'était quand même lui à qui tu pouvais filer à la balle et qui pouvait en faire quelque chose. Alors, et là, on sait un peu. Mais qui en faisait rien, cette année. Au Racing Club de Strasbourg. Au Racing Club de Lens, c'est pas tout à fait la même image. Moi, je propose qu'on dise, bon, Brest, c'était nul à chier, quoi. Ah bah là il y a rien à faire. On peut dire le cop est parti avant la fin. Oui. Pourquoi le cop est parti avant la fin? Eh ben parce que franchement il a déjà du courage d'avoir regardé tout le match. Oui. Et bon voilà c'est nul. Il y a eu des bâchages. Il y a eu des bâchages à la 90e minute. Le cop a enlevé ses parce que c'était au moment du fameux pseudo penalty sur Gamero. Ah oui. Ce sketch là où Gamero est en sang dans la surface, il arbitre dit non ça va c'est bon ça sert tout ça. C'est Gamero qui met le bras d'abord. Pour moi c'est pas si évident que ça. Non mais c'est pas forcément évident mais bon t'as quand même un joueur en sang dans la surface et que les mecs disent non mais c'est bon on a checké tout va bien il y a pas de faute bon il y a contact quand même et c'est une faute d'un attaquant ils disent et c'est vraiment les fautes des attaquants qui sont pas discrètes au milieu de la surface. Je te mets l'inverse. Je te mets un attaquant, on va dire, pas spécialement doué, dans notre surface à la 94e quand on tient un match à l'extérieur, sûr à 100% qu'il y a pénalty. Oh, ça c'est le complot après. Strasbourg dérange. À ce moment du match, c'est pas bien de donner un pénalty. Qui l'arbitre oui, c'est Toulouse. Ouais. C'est Toulouse quand le Marchand se fait dans la jambe. Alors que le même arbitre avait donné le pénalty contre Montpellier quand Jean-Jean avait tapé dans le Montpellier-Rhin et que moi j'avais pas été choqué qu'il y ait pénalty pour Montpellier parce que c'était justifié. Franchement, on est trop nuls pour se plaindre de l'arbitre. Non, mais oui. Ah oui, tout à fait. Mais il n'empêche, sur un tonnerre. Alors autant le point qu'on aurait arraché contre Brest, j'aurais trouvé ça nul. Un point contre Brest, c'est nul à chier. Par contre, deux points en moins pour Brest, ça m'aurait arrangé. Ouais. Dans ce point de vue-là, on met. Honnêtement, le match de Brest, ça finit à 0-0. C'est ce que méritait le match. Oui, c'était 0-0. Le foot est mort. Brest ne devait pas marquer. Brest méritait pas de marquer un but et Strasbourg ne méritait pas de marquer un but. Et c'est quand même ce qui est flippant à l'arrivée, c'est-à-dire que j'ai vu des classements qui sont passés comme quoi dans le mini championnat qui nous concerne, on est un peu à la rue, on est juste devant Angers quoi. On est avant-dernier. Et ce qui me fait penser que on n'est pas du tout dans l'optique de lutter contre le maintien, ce genre de choses, et que prise de s'orienter vers des nouvelles désillusions. Ah, on a gagné que contre Angers, hein, chez nos contre Montpellier. Mais Montpellier est sorti au-dessus. Ouais. Il reste Auxerre. On en parlera. On a 7 points contre pour notre mini-championnat. Non, on en parlera. Donc ouais, des 6 points contre Angers et un point contre Brest. Exactement. Hein, fini le le bilan. Non, un point là-bas. Un point là-bas, oui. Ouais. Le bilan de ce début de championnat de cette de saison. On parlait de choses intéressantes. Alors, on avait fait un gros paquet. Hein. On a fait un truc mission maintien, mais j'ai entendu parler du mercato. Ouais, mercato, ouais. Et c'est important le mercato, ouais. Parce que Marc Keller a sorti le portefeuille. Ouais. La bourse. La bourse ou la vie. La bourse ou le maintien. J'ai entendu parler de Fred Gilbert. Voilà. Le retour. El Savior. Et alors, voilà. Pour le coup, il a pas sorti le portefeuille pour Fred Gilbert. Si, voilà, il a sorti un salaire assez important. Ouais. Oui, ça fait. Il a pas eu d'indemnité de transfert. Il a attendu que le mec soit gratos pour le faire venir. Alors notre plus grand auditeur. Et je suis d'accord avec lui avant même que tu le lises. Ouais. Mais moi aussi, hein. Donc je lui avais demandé de préciser parce que je me soupçonnais que j'étais d'accord, mais je voulais être sûr. Donc, vas-y, vas-y. Ross 3, mais qui est plus connu sous le nom de Nicox avec 2 X @Nicolas Lacax sur Twitter. Nicolas Lacax dans Zut aussi. Exact, exact. À l'époque gothique 06. Voilà. C'est lui-même, enfin, pas que lui, mais oui. Gilbert s'était couru d'avance, point de suspension, je vous avais prévenu. Alors, pour les gens qui sont pas de la commune, qui suivent pas. Qui sont pas nés quand Antonetti commence à coacher. Exactement. Ce qu'il veut dire par là, c'est Gilbert, ça n'est pas étude de sauveur, ça, il va pas nous aider dans la situation dans laquelle on est, c'était couru d'avance. C'est ça qu'il voulait dire. Alors, oui, moi je suis d'accord. Moi j'ai envie de dire, est-ce que Gilbert il est bientôt suspendu? Il est suspendu. C'est contre Auxerre. Ouais, c'est contre Auxerre. Oui. Et j'espère que vous allez apprécier la différence avec Dagba et moi. Ouais, mais là c'est dégueulasse. Rendez-vous au prochain Radio Stu. On va se régaler. Ce que tu fais, c'est dégueulasse. J'aime bien le faire quand même. Non, mais ça, c'est la thématique de la saison. Tu remplaces des joueurs mauvais par des joueurs très mauvais. Enfin, c'est. Eh ben ouais, bah alors du coup, Quand tu bois de la Kronenbourg, c'est dégueulasse, mais c'est mieux que la propre export. Tu vois, voilà, c'est toujours pareil. Non, mais il y a une échelle de valeur, tu vois, que tu vas. Donc du coup, Gilbert, oui, il est nul, mais j'ai envie de dire, depuis le début de saison, c'est notre meilleur arrière droit. Ouais. Et puis en plus, je trouve qu'il sait faire les touches, ce qui n'était pas évident. Oui, ça c'est vrai, il sait faire. Et un autre truc qu'il sait faire, c'est contrôler les balles sur des transversales de 92 mètres délirantes. Ah bah il fait des contrôles. C'est vrai, magnifique, pas mal. Des amortis de ouf. Après il fait rien avec. Il a pas encore les consignes de cette saison. Ouais mais c'est ça. Mais est-ce qu'il tente pas tout le temps des trucs qu'il rate? Est-ce qu'il rate pas quasiment tout ce qu'il tente? Par exemple là, je me rappelle le match de Brest où effectivement il y a eu une transversale qui arrive de son côté, et il a tenté le centre en une touche de balle. Oui. Ce qui en but c'est magnifique. Ouais, sauf que le centre en une touche de balle, il a fini en 6 mètres, que les attaquants notre attaquant Diallo, puisque l'autre c'est Keiji. Le truc là qui tourne autour, soit dit, enfin bref, n'avait pas compris, personne n'avait rien compris, donc du coup il est peut-être en avance, Gilbert, sur les autres, et donc ça marche pas. Mais comme Julien Stéphan, il est en avance. Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'on est en avance d'une saison. C'est ça. Ouais, donc Gilbert, non, mais ce qu'il veut, non, en gros. Gilbert, il était présenté comme le sauveur, comme celui qui... Mais qui a présenté comme sauveur? À part la commune, la commune. Mais il n'y a pas que la commune, il y a Racing Stubb aussi. Il y avait quand même dans le forum de Racing Stubb. Ouais. Ça y allait sur Gilbert. Enfin, il y avait une secte. Ah, je me faisais insulter par MP parce que je n'étais pas pour le retour de Gilbert. Non, mais eux, c'était vraiment une secte. Mais c'est-à-dire que... Moi, je me fais jamais insulter par MP. Moi, je ne regarde pas mes MP. mais je ne pense pas. J'en sais rien. En fait. C'est plus des DM sur Twitter, c'est vrai que sur Stubb, ça va. Ah, ouais. C'est les mecs, c'était clair. Ils étaient fous avec lui. Si j'en avais parlé de ça, si on se maintient, les gens vont dire, bah oui, on a Gilbert, on se maintient, on aurait dû l'avoir depuis le début de la saison, et on sera en Ligue des Champions. Exactement. Et si jamais on se maintient pas, ben vous voyez, on aurait dû l'avoir depuis le début de la saison. Parce que là, la connerie, c'est que là maintenant, on l'a pris qu'à la moitié, donc forcément, on se maintient pas. De toute façon, ces mecs-là, ils sont perdus. Mmh. Ils sont dans un autre monde, le monde où le Racing ne tenait que par Gilbert. C'est pas possible. Alors, est-ce que je peux me permettre? Est-ce que c'est Gilbert ou est-ce que c'est Gilbert Grèce? C'est... Alors qu'on savait très bien que c'était Carole Fila qui aurait pu sauver, que c'était lui l'élu. Alors, attention, qui a été alors est-ce que tu as des infos sur cette nomination joueur du mois? Ouais, parce que moi je suis allé sur le site de Zulte Van Eyghen. C'est faux, c'est un mec. Déjà, c'est habitable. Et on ne comprend rien. Ces gens-là ne font aucun effort. Avec des R, on ne comprend rien. Ben oui, mais eux, ils n'ont pas Gutelben ou Fosser pour écrire des mails, des tweets en français pour que les gens les comprennent. On ne comprend rien. Et moi, j'ai vu deux gonzesses. Très sympathique, ceci dit, mais assez vieille. Alors, en photo dans les news, mais rien sur Fila, joueur du mois, je suis désolé. Bah, c'était sur les réseaux sociaux de Zulte Van Eyghen. Donc, en fait, c'est faux. Ouais, je pense non, mais c'est vrai, par contre, il est titulaire, il enchaîne les matchs. Il était pas blessé, mon dieu. Alors, il est sorti sur une petite blessure sur un match, mais il a enchaîné titulaire le match d'après, et depuis, il fait 90 minutes. Mais il joue central droit. Il joue central droit. C'est alors... le même Fila que chez nous? Ouais. Alors, il joue central droit avec un latéral droit qui est beaucoup plus offensif, et du coup, là, il s'occupe aussi du côté droit. Ah oui. Donc, c'est un schéma un peu hybride. Est-ce qu'il fait les touches? Non. Est-ce que ça serait pas le profil actuel des joueurs de Strasbourg que quand on les prête en dehors de Strasbourg, ils deviennent bons? À part Mehdi Chaïri. Il est pas bon, Mehdi Chaïri. Il est écarté pour des problèmes de comportement par Thierry Loret. Ah, mais alors, le problème, c'est Mehdi Chaïri ou c'est Thierry Loret? Tribora. Mais oui, effectivement, mais c'est surtout les joueurs qui sont partis cet hiver. On parlait de Ajorc, on parlait de Thomasson, on parlait de Ajorc qui joue de Fila. Ajorc qui joue, si, il a marqué un but. Il a mis un but, mais il joue autant que autant que pendant un an et Racing. Mais c'est alors justement ces joueurs-là fonctionnent bien ailleurs. Ça, on parle de Saï en D2, on parle de Yadier Loua. Il y a des questions militaires, mais je pense qu'on va parler ça. Peut-être on va parler. C'est exactement ça, mais parce que on va aussi parler de Saï, on va parler de tout le monde. Ilvecchio, Lucid Racing Stubb. Alors, c'est en plusieurs parties. Pourquoi partie du Racing, les Ajorc, Thomasson retrouvent-ils du rendement alors qu'ils ont aussi subi une prépa foirée? Parce qu'ils sont dans un collectif qui tourne. Moïse, surnageant sur les eaux du lac d'Annecy, rentrera-t-il ou sera-t-il vendu? Non, mais... Bah, Roulin, tu l'as ajouté. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Hathor avant. Et c'est une histoire de collectif, et c'est bien ça qui me fait défaut. Ouais, je voudrais quand même juste dire un truc. En ce qui concerne Fila et Ajorc. Je suis quand même allé voir les stats sur SofaScore. D'accord? Avant de dire un truc et d'essayer de comprendre pourquoi ce truc est vrai ou pas, par exemple là on dit c'est parce qu'ils sont dans des bidules mieux organisées, comment, des organisations, je sais pas quoi là, il faudrait déjà s'assurer du fait. Parce qu'on essaie de prouver un truc dont on n'est absolument pas sûr. Moi, je suis désolé. Tu n'as pas regardé tous les matchs de Zulte Van Eyghen? Non, j'ai pas regardé. Mais quand on regarde. Compte à toi pour préparer les résumés du championnat belge sont disponibles sur YouTube. Hein, je t'invite à les regarder. Je note les résumés. Ok. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que à Thomasson, j'en sais rien. Mais oui, c'est un championnat qu'on peut parler. Ouais, Thomasson, la seule chose qu'on peut savoir, c'est que statistiquement. Il va lui marquer un but. Là, il a marqué 4-5 buts, dont un ou deux en Coupe de France. Voilà. Et non. Il est pas titulaire à tous les matchs, il rentre, il fait un peu super. Parce qu'il tourne beaucoup, alors. Il va marquer contre ce que je veux dire, c'est qu'il a déjà fait. Oui, Thomasson, d'accord. Il a déjà fait en 10 matchs avec Lens, plus que ce qu'il a fait depuis le début. Et là, du coup, ce que vous dites, ça marche. Il est dans un collectif avec un entraîneur qui connaît son boulot et tout. Mais je suis désolé, Ajorc et Fila, tu regardes les notes. Elles sont pas bonnes. Je peux pas te laisser remettre en cause la commu de Zulte Van Eyghen qui a élu Fila meilleur joueur du mois. Tu les remets en cause, là, ces mecs-là. Ces mecs-là, ils adorent Zulte Van Eyghen. Ils regardent tous les matchs de Zulte Van Eyghen. Il y a des gonzesses. Les mecs ont voté Zulte Van Eyghen. Ouais. Et ils ont dit que c'était Carole Fila. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et alors du coup, tu peux pas remettre ça en cause. Là tu remets en cause comme si la cathédrale elle était pas au centre de Strasbourg. Je suis pas d'accord. Ouais, mais moi je voulais d'accord, mais je c'est un fait ça. Mais tu peux enchaîner avec une autre question si tu veux. Ouais, je vais enchaîner avec une... mais avant ça, je voudrais quand même Une minute culturelle. Non. Ah, une minute culturelle. Ouais. Bien sûr, vas-y. Et après on peut dire qu'on a un truc de minute culturelle d'applaudissements. Minute culturelle parce que juste pour ça. Parce que il faut respecter les auditeurs. Ouais, exactement, on est sur Radio Stubb. On est un peu mieux, je trouve. Tu préfères avoir une voix, tu sais, genre c'est ce qu'on a dit. Ouais, je vais vous dire un truc un petit peu. Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. C'est Bernard de Fontenelle qui FONTENE2LE, et c'est très important parce que de nos jours sur Twitter, nous réagissons souvent de manière assez épidermique à des interventions. C'est vrai, Twitter c'est un endroit où tout le monde s'engueule et tout le monde veut prouver des trucs ou le contraire de trucs. Mais les amis, arrêtez-vous avant de vous énerver. Arrêtez-vous et demandez-vous si le fait dont parle le type est vérifié, existe, avant de vous acharner à essayer soit de le prouver, soit le contraire. Voilà. Merci. Bonsoir. IT Missile. Toi, tu combats les fake news. Ouais, je combats. Non, mais. Info ou Intox avec JP Darky sur Radio Stoop. Exactement. Toutes les jeudis soirs. Exactement. Mais assurons-nous bien du fait, avant que de nous inquiéter de la cause. Et ça, c'est un truc que je marque dans mon cahier toujours quand j'ai marqué. C'est marqué, ça? Mais oui, là, Bernard de Fontenelle. Je t'assure, c'est un truc vraiment important. C'est un vrai truc. Je pense que ça changerait le monde si les gens s'arrêtaient toujours et se posaient d'abord cette question. Alors maintenant, Moïse Saïd. Alors, sur d'agent sur les eaux du lac d'Annecy, rentrera-t-il? Il a séparé le lac d'Annecy. Ah bah ouais. Oui. Il a séparé le Vélodrome, a priori, surtout. très belle ville, Annecy. Tout à fait. Bah, vous avez déjà raconté qu'il y a la tante d'un de mes collègues qui est mort dans le lac d'Annecy ou pas? Non? Bah voilà. C'est pourquoi? Eh ben, il sait pas. C'est un mystère dans la famille. En fait, il y avait un barbecue. Oh, c'est une histoire. Il y avait un barbecue. Non, mais... c'est important. Et en fait, c'est une famille assez riche, je dois dire. Et ils ont une baraque qui donne sur le lac. Magnifique, ouais. Et donc, ils mangent des saucisses, tout ça. Il faisait chaud. Enfin, comme il peut faire chaud à Annecy. Hein. Ouais, vous excitez pas non plus. Et à un moment, elle fait, oh tiens, je vais aller nager. Piquer une tête. Ouais, elle est jamais revenue. Elle était partie avec l'homme du lac d'Annecy. Ben, peut-être, mais. C'est Moïse Saïd. C'est Moïse Saïd. Alors déjà, petit 1, on va s'assurer du fait avant d'essayer d'expliquer la cause. Non, mais j'ai vu les matchs d'Annecy. Alors, est-ce qu'il a mis des buts qu'en Coupe de France contre Marseille ou est-ce qu'il n'arrête pas? Ben non, il a mis 10 en Ligue 2. Et là, tu vois. Alors, il n'enchaîne pas les titularisations, il alterne un peu, ça tourne un peu devant. La double manita. Ouais. Mais il fait une très bonne saison en Ligue 2, oui. Alors, du coup, comme Maxime Bastien, son coéquipier. Qui joue aussi, dont on ne parle pas assez. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il va rentrer? Il joue à quel poste, Maxime Bastien? Arrière-gauche. Annecy. Ça serait pas le poste où on était dépourvu depuis le début de saison avec Mongolien de Laine? Oui, alors. Oui, non. Pourquoi au dernier Radio Chup, j'ai raconté l'histoire avec Marvin Senaya. Ouais, et moi, on rigole quand je raconte l'histoire de la tante de mon collègue. Quand même. Ouais, alors, c'est de l'autre côté, c'est latéral droit, mais quand Dagba et Fila s'étaient blessés en début de saison. Et Pierre Gabriel? Justement, on a Stéphane ne voulait pas faire jouer Senaya en remplaçant, alors qu'il était là. Et il a voulu recruter un latéral droit, expérimenté, donc Pierre Gabriel, qui n'est plus là. Non, on pense à toi. Il est là. Est-ce qu'il joue en juin à l'Espagnol Barcelone RPG? Je sais pas, ça je suis pas. Ah, j'ai pas regardé. Ah, et tout le monde s'en fout, personne pose de questions sur lui, c'est vrai ça? Mais je vais chercher. Donc, du coup, il va rentrer ou on va le vendre? Moïse. Bah, on va le garder. Ah, bah, si on est en Ligue 2, ça serait une super occasion. Non, mais attends, je vois pas du tout pourquoi on est en Ligue 2. Alors, on va monter là, Annecy, on va peut-être le vendre si on est en Ligue 2. Est-ce qu'on va fusionner avec Annecy peut-être? Club satellite? Spoiler, on alors, attends, maintenant, quand même, il y a des trucs. Ah oui, alors, donc, là, le petit tour de table. Parce que les gens aiment le tour de table, là. Ouais, tout à fait. Mission maintien. J'avais pas de meilleur truc. C'est super. Je voulais mettre mission maintien impossible. Ouais. Mais en fait, les gens, ils savent plus ce que c'est. Bah oui, ils ont plus. Bah, Tom Cruise. Quand même. Ouais, mais intéressant. Tom Cruise, il a 60 ans, 80 ans, les gens. Mais en plus, c'est fini. C'est un reptilien. Il a joué 4 matchs, il était une fois titulaire. Quoi, Tom Cruise? Ronald Gabriel. Il a pris un rouge pour son premier match. Ah bah tiens, je vais reprendre. Il a joué 39 minutes par match, donc ouais. Voilà. Donc mission maintien. Mission maintien, impossible. Mission maintien. Alors déjà là, le premier truc c'était est-ce que Djorkaeff est meilleur que Dimitri Lénard? C'est son anniversaire. Oui. Son anniversaire. Oui, pas le Snake. Le Snake. Ouais. Pas Jean. Comment c'était? C'était pas Papillon de Lumière, ça, sa chanson. Rester dans la lumière. Rester dans la lumière. Ok. À 98. Ouais. Des choses. Hop, ça c'est fait. Donc mission maintien. Non, on fait le tour de table. The tour de table. Qui croit au maintien? Lève la main. Comme ça. C'est radiophonique. Bon. Giga, c'est seul à lever la main. Aucune chance. Non, mais là c'est. Surtout, c'est un scandale sans ce maintien. En plus, pour le football. C'est pas vrai. Imagine qui pourrait ne pas se maintenir à notre place. Non, mais reste. Ouais, ok. Troyes. Bah, 3 décembre. Club satellite. Non. 3 décembre. Ma main a coupé 3 décembre. Bah, ici 3 décembre, il reste plus beaucoup. Fais gaffe, tu viens de le dire en direct sur Radio Stoop. Ma main a coupé. Gigas a des couteaux qui coupent extrêmement fort. Opinel, monsieur. C'est français, monsieur. 3 changés d'entraîneur en janvier. Oui. Ils ont gagné un seul match depuis. Bon, contre Racing. Bah voilà. Et il nous joue encore une fois. Depuis qu'on a changé d'entraîneur, on a gagné qu'un seul match. Non, deux. Ah non, quand on était, on a gagné. Mais on a changé plein de fois d'entraîneur. Et on a battu le dernier. Alors, est-ce que ça, c'est une, pas plus une preuve? C'est une statistique de merde. On peut faire 19ème alors. Ah, ben avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Bah non. Et du coup, ça laisse une place pour Troyes. Il y avait pas une question, un argument pour le maintien? Si, parce qu'il y avait, il y a tous les mecs qui veulent se s'ouvrir les veines dans un bain chaud. Il y en a pas mal. Qui voulaient des arguments positifs pour pouvoir. Alors, croire alors en... j'ai voulu les faire qui, tous. De qui comme la question. Ça, on les cite. Comme ça, on les cite. D'accord. Si c'est pas Alex Co. Notre meilleur auditeur, lui aussi. Il nous pose des super. Égalité. Ah, égalité totalement. Expected goals. Expected tweets. @alex_hint mm-hmm. Alex Co. Est-ce que chaque chroniqueur peut donner un argument en faveur du maintien? Besoin de positivisme. Hashtag Radio Stube. Donc, qui chacun, même ceux qui ne croient pas au maintien, c'est-à-dire tout le monde, donne un argument positif pour le maintien. Il y a peut-être 4 équipes plus nulles que nous. Ok. J'achète. Le Racing est un club mythique, il ne peut pas descendre. Ça, c'est l'argument de Conan. De Conan en 2005. Exactement. 2006. Enfin, 2005-2006. Enfin, 2006, ouais. Non, 2005-2006. 2005-2006. On est tellement descendu. Voilà. On est il faut dire comme ça. Oh, on peut pas descendre. On est mythique. Ah, moi, j'hésite entre la DNCG. C'est bien. Ah, la carte. Hey, j'ai la carte DNCG. Ou Anticrevaison. Je me dis que. Peut-être qu'il y a l'USDAC qui va remonter et on sera peut-être sauvés. Ils vont les faire monter en mai. Peut-être que l'USDAC est en train de monter le pH. Bois du vin rouge. En R3, ou je sais pas quoi. Et que peut-être que, ils vont pas réussir à remonter, peut-être que ça va nous maintenir. J'ose penser à ça. D'accord. Ou sinon, les affaires sexuelles qui pourrissent, qui gangrènent le football français. Bien que Angers. Dont on serait épargné. Ah non, il y a breaking news, il y a eu un cas de violence conjugale à Rennes. Bravo, monsieur et madame Stéphane. J'espère que c'était le 8 mars pendant la journée de la femme. Non, c'était Baptiste Santa Maria. Ah, mais il a peut-être cogné le 8 mars quand même. Ouais. Tu veux la même journée de la femme? Donc il faut faire descendre Rennes. Ouais, je pense. Depuis qu'ils nous ont vu piquer Chouafni, il faut les faire descendre. Ouais, puis c'est pas digne, il faut pas continuer comme ça. S'il y a un mec qui serait soupçonné d'avoir éventuellement tapé sa femme. Il faut reléguer son club. Ouais, là, exactement. Donc il en faut 3 encore des clubs. Ouais. Angers, on a dit quand même. Ouais, c'est déjà fait. Ouais. Donc, ah oui, il en reste plus que 2. Ouais. Du coup, Troyes. Paris. Bah oui, Paris, mec, il sert à rien. Ouais. Exactement. Non, mais il y a des soucis. Enfin, ah oui, Hakimi. Encore un relégué. Ah, c'est vrai, Paris. On est à 3 relégués. Ouais. Allez, il en faut encore. Moi, j'ai un arc. On peut plus s'amuser quand sa femme est au Bahreïn avec les enfants. C'est ça, maintenant. Ouais. En France, on peut plus faire ça. Ouais. La France 2023. Non, 2023, tu peux plus t'amuser. Tu peux pas dialoguer avec, amicalement avec une jeune fille. Ouais. Faut surtout pas lui payer du beurre, ça laisse des traces. Alors, qui n'a pas donné d'argument? On a eu très bons arguments, là. Moi, j'ai un argument. Bien sûr. Les dossiers à Noël. Ah oui. Okay, quand Noël, il est parti, à qui il a donné les dossiers? À Diallo? À Corinne Diacre? Je le crois pas. À Marc Keller? Ouais. Il a tous les dossiers. Les pénalties, ouais. Ils vont pleuvoir. Et en plus, ils peuvent pas être piratés, mais c'est pas sur une clé USB. Non, c'est des vrais dossiers en papier dans des pochettes 3 rabats. Mis dans des bouteilles. Dans des avec, bouteilles. Avec les taches de vin rouge. Et les taches, c'est pas du vin rouge. Marco, il a tous les dossiers. Les pénalties vont pleuvoir. Il n'y a plus aucun arbitre qui va oser regarder Antonetti dans les yeux. Exactement. Franck Schneider, roi du pétrole. Bah ouais. Donc ça c'est donc pas ça mal. Commence ça au, commence à Marseille ça ou... commence au Vélodrome dimanche et Noël Lagrée il a dit les connards du sud là ça va être comme le sketch des inconnus avec le président qui va là dans le des arbitres à mi-temps trois pénalty tu vois Marc Keller avec une bonne et Toshiba tu vas rentrer gourmet un manteau de fourrure bien dégueu là Toshiba tu vas rentrer c'est Motiba. Ah oui Motiba exactement aucune chance que Motiba rentre. Non, et toi t'avais un argument ou pas? Bah le club mythique. Ah, le club mythique, j'ai que ça. Oh putain. Et toi non, j'ai pas. Non. Non. Mais je vois pas. Franchement, on joue en bleu. Ouais, on joue en bleu. C'est voilà, on joue en bleu. On a le plus beau stade des années 80. Des années 80 de France. Voilà. Michel Hidalgo l'avait dit en 84, le plus beau stade de France. Il est mort, Michel Hidalgo ou pas? Oui. Oh merde. Ouais. Putain, je partais trop vite. On pense à toi, Michel. Et du coup, il y a une question stade, j'y pense, je viens de dire. Ouais, stade. Non, bien sûr, on la pose ou pas? Bien sûr. Surtout que c'est notre co-meilleur auditeur, Alex Co. @alexcomiauditeur. Pourquoi le stade n'est pas en travaux? Ben, il est travaux préparatoires et la collection réseau de chaleur qui est en train de se faire et le gros œuvre commence en juin. Donc alors, ça va se faire. Alors, les infos qu'on a eues en off, c'est que ils ont eu les fameux devis modifiés par les constructeurs et là maintenant ils jouent le petit jeu de on va On enlève ça. Ça a déjà été fait, ça. Vous voulez la clé? Et derrière, il y a l'arbitrage qui est fait et que du coup, derrière, ils prennent finalement, donc la décision serait de maintenir le chantier là-dessus. Après, oui, il n'y a pas trop de doute. Mais que du coup, le niveau global de prestations. Il n'y aura pas du carrelage jusqu'en haut dans les toilettes, par exemple. C'est genre parce qu'il n'y a plus de carreaux dans les toilettes là où moi je vais pisser à la méno. Ouais, je le confirme. Et il n'y aura pas de fuselage d'avion pour faire des brises soleil. Il y aura des brises soleil. Mais pas en fuselage d'avion. Pas en fuselage d'avion. Oh putain, c'est dommage. Ouais, on aurait pu les faire en tank léopard. Enfin, il va y avoir du stock en plus. Bien sûr. En tout cas, le stade, c'est fait. Enfin, ça va se faire. C'est fait. Pas de soucis là. Ouais, mais d'accord. Bien sûr. Mais... Ah, tu vois, ça, c'est une note de positivité pour nos gens qui sont des veines et qui écoutent Radio Stub. Ouais. Parce que les gens. Ouais, parce qu'il y avait d'autres gens. Il y avait CoQN@K0KU3N. CoQN. Sur. Ah oui, c'est le fan d'Ice 400. Ah bon? Il était là sur le, quand on a fait Radio Stub Live sur Twitter. Il a connu les AS400? Il a dit, il y avait un truc. C'est le fan d'AS400 si tu nous écoutes. Ah putain, moi j'ai bossé sur un AS400. CoQN. Eh ben, il demandait, reste-t-il au moins un motif d'espoir, autre que la l'unité des autres équipes? Donc oui, le stade. Un nouvel espoir. Ouais. Un nouvel espoir. C'est pas le plus grand espoir, le nouvel espoir. Mais, les espoirs, on les a donnés, hein. On n'a pas d'autres motifs. Bah ouais. Alors exactement. Alors on va, vu qu'on est un petit peu en retard, on va zapper. Maintenant, on est en retard, tiens. On est à l'heure. On est à l'heure, là, largement. On a fait des radios Stub de 3 fois plus. Mais moi, j'ai les gens qui m'appellent sur une autre ligne. D'accord, vas-y. Ils me disent l'extra sportif. Ouh. Parce qu'il y a des problèmes. Tout ne va pas bien. Tout nous tourne bien dans le Landerneau, monsieur Noël. Et donc, allez, il faut en parler. Il faut extérioriser Chelsea, les Américains. Oh. Les Américains, parce que ce ne sont pas des Anglais. Non, c'est pas des Anglais, c'est des Américains. Tu veux commencer par ça? Ouais, non, mais tout de suite. Mais évidemment, là, on en a pour une heure. Moi, je vous fais 2 heures et demie. Je craque. Voilà, mais on rouvre les braises en Belly, voilà, exactement, Fabrice. Oh, Michel, envoie la bouffe. On en a pour 2 heures de plus. C'est reparti. Alors, cette rumeur qui tombe un vendredi soir. Bah, c'est même plus une rumeur, hein. Il y a eu un déjeuner. Vendredi soir, tu vas à l'apéro, t'as même pas le temps de te poser que là, Twitter explose. Ouais. Voling. Un Bali? Est-ce qu'on fait un rappel des faits alors? Un rappel des faits succinct et concis. Donc Marc Keller cherche des partenaires ou des acheteurs du club depuis 2 ans. Dit comme ça. Ouais, c'est bizarre. Des partenaires en affaires. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Enfin, c'est encore plus bizarre. Ouais. je sais plus comment le dire. Mais bref. Et donc, il a déjà rencontré d'autres acteurs économiques. Des Chinois. Il y a eu des Chinois, via effectivement. Via Baidu, probablement. Non, mais ça, pour le coup, ça s'était sorti. Enfin, oui, c'est toujours Weibo. Ah, ouais. Et donc, Marc Keller a déjeuné ou dîné, je ne sais pas exactement. Déjeuné. Avec... Au déjeunatoire. Ou Ara. Tant qu'il n'a pas payé. À la brasserie d'Ara. Ah, très joli escalier. Je vous conseille, hein. Ah, très bien, le midi. Ah, c'est pas trop cher. Ouais. Et vous aidez les hôpitaux civils de Strasbourg. Ouais. Et un magnifique escalier. Tout à fait. J'y suis allé pour l'anniversaire de ma mère. Et donc, ouais, il a déjeuné avec Todd Boehly, qui est un Américain. Il connaît quelqu'un. Je pense qu'il a déjeuné avec les représentants de Todd Boehly. Ah, il n'a pas Todd Boehly en direct. Non. Hein. Et avec Kevin Ancel. C'était écrit dans son interview. D'accord, autant pour moi. Et le docteur Octeur. Et donc, avec le représentant de Todd Boehly, un milliardaire du Connecticut, qui est propriétaire de Chelsea. Oui. Depuis à peu près un an. Qui cherche. Il a un succès fou, à Chelsea. Oui, c'est lui-même, il a découvert le foot il y a un an. Et il s'est dit, tiens, je vais faire directeur sportif, c'est moi qui ai piloté le mercato. Et donc, il a signé des chèques pour des joueurs à droite et à gauche. J'adore le foot. Ah, c'est magnifique. Et Chelsea cherche à faire comme d'autres clubs, comme Manchester City, comme Bournemouth, comme je ne sais même plus qui. Anderlecht. Non. Non, il y a Sheffield United aussi. Mais il y a pas aussi, attention, satellite. Attention, il y a pas. C'est pas Wednesday. Ouais, ne confondons pas les Sheffield. Comme Nancy. Ah, c'est le club de. Ah non, Nancy, c'est. Au stand. Ah ben, je dis, il y avait bien du belge. Ouais. Enfin, ils veulent faire une galaxie de clubs satellites et ils sont intéressés par Strasbourg pour se rapprocher d'Allemagne. Voilà. Et donc, c'est déjà des débuts. C'est des débuts déjà en fanfare pour arriver en Allemagne. Ah, mais c'est le. C'est-à-dire, salut les jeunes, on voudrait me rapprocher d'Allemagne. Je vais à Strasbourg. Et donc là, on est en plein dans le foot d'aujourd'hui avec des clubs qui sont multimilliardaires parce qu'ils ont une économie complètement dérégulée et qui cherchent des sous-fifres pour justement faire transiter des joueurs et faire encore plus de profits. Voilà. Voilà le. Et faire des opérations qu'on reprochait à Courbis, qu'il allait en tôle pour ça. Oui. En 2000, à l'époque, à l'OM. C'était un précurseur. Ouais, c'est ça. Où tu prends un mec, tu le reprêtes immédiatement. Ouais. Hop, hop, hop, tu l'as vu, tu l'as pas vu, regarde. Je prends ma com. Exactement. Et quand t'es interdit de recrutement, et bah, tu fais acheter le club filial. Exactement. Et après, tu le prêtes gratuitement. Parce que le fair play financier aussi, attention. Tu peux faire de la magie avec le. Ouais. C'est ce que disait Hector sur la zone. Bah, tu sais, on parlait de Nancy au stand. Nancy, ils avaient un trou de 4 millions d'euros. Et ben, au stand a racheté un joueur de Nancy pour 4 millions d'euros et l'a recruté pendant 2 ans à Nancy. Yes. Ni vu, ni connu. Sauf qu'au stand, je crois qu'ils sont en train de mettre la clé sous la porte. Ouais, Nancy aussi. Ah ouais. Tant mieux d'ailleurs. Ah, ouais, voilà. Ernest, tu nous écoutes? Ah, il y a Poissy, Ernest. Ah. C'est la poisse. Et ceux qui étaient vraiment. Donc c'est poissy, de la merde. Et Poissy, beau déplacement. Alors on va déjà poser les bases. Donc c'est que tous ces concepts, c'est de la merde, ça on est d'accord. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a de la réalité? Est-ce qu'il y a une chance ou une malchance que ces mecs-là fassent affaire avec Keller ou c'est juste du flan? Parce que là, on touche quand même à l'ADN. Hein. Exactement. Alerte ADN. Ouais. Bah, on touche à l'essence même du foot. Un club satellite, c'est un club qui n'existe plus. C'est un outil d'un autre club. C'est un club qui ne pilote plus sa politique sportive, qui ne veut plus maître de son destin. Alors, est-ce que Keller, qui a mis tellement en avant le club différent, nous ne sommes pas 11, mais des milliers, touche à ton cul, t'auras des verrues et toutes ces conneries, est-ce qu'il ferait ça? C'est ça qu'on veut savoir. C'est un club qui devient parasité par un autre club, en fait. Ouais, c'est Alien. Ouais, c'est ça. C'est Alien. T'as un alien qui rentre. Ouais, un gros alien, en plus. Ouais. Non, mais oui, est-ce que Keller laisserait faire ça? Comme poser la question, est-ce que Marc Keller peut être ami avec des délinquants sexuels, par exemple? Ouais, non, ça c'est impossible. Pas deux fois en plus, c'est pas possible. Non, mais ouais, donc on peut tromper mille fois. Mais... Après, alors on va pas se juger de tromper. Sur le fond, effectivement, on sait que Marc Keller ne restera pas. Enfin, il n'y aura pas un empire de 1000 ans avec Marc Keller. le Keller, c'est bien dommage. Non, mais il va pas rester éternellement. Il a peut-être d'autres ambitions. Au bout d'un moment, le club sera vendu. Donc, à la limite, pourquoi pas? Mais voir à qui? Mais dans ce cadre-là, dans le cadre d'être un club satellite, d'être un sous-fifre d'un gros club, ça c'est hors de question. Et la fédération des supporters du Racing, oui, la glorieuse FSRCS, Philippe Le Graët, voilà. Non, je crois que c'est la présidée de main de maître par le glorieux Philippe Wolf. Et je crois qu'on l'appelle fédération proche de l'Allemagne des supporters du Racing de Strasbourg, pas française. Non mais la fédé a produit un très bon document. Exact. Avec ce que devrait être un actionnaire. Et bien avant ça. Oui, non. Ça a été préparé. Bien sûr. En plus, c'était vraiment prêt. C'est ça le pire. Mm. Ouais. Parce qu'on est encore une fois, Philippe. Précurseur. Encore une fois, précurseur. Il le sentait. Ah oui, je pense qu'il y avait. Mais j'invite vraiment. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de ça. On disait, oui, encore une fois, Marc Keller va vendre le club à un moment donné. Ça sera pas forcément encore une fois un local. Ça sera peut-être. Non, mais ça d'accord, mais. Mais ça sera pas un gros babar. Mais il faut qu'il vienne avec des intentions pures. Ouais, pur, enfin, plus ou moins. Non, mais qui viennent animer par un projet sportif, sans être dans le mécénat, mais avoir une ambition claire pour le club. Mais ça n'existe pas aujourd'hui. Les mecs qui se disent qu'ils veulent une danseuse parce qu'ils adorent le Racing. Regarde à Lens, par exemple. Non, je suis d'accord totalement avec Fabrice. Le seul moyen d'éviter ça, c'est de le mettre, c'est de légiférer, c'est l'Allemagne. Oui, là on est là. Ah, c'est la seule. On y revient. Mais non, je rejoins 100% là-dessus. Le modèle. Il faut réglementairement l'empêcher. Si tu l'empêches pas réglementairement, les mecs ils vont venir. Alors c'est sûr et certain. Mais ils viennent. Ils sont là. Aujourd'hui, les investisseurs, c'est que ça. Ils sont ici, dans nos campagnes, sur les réseaux sociaux. Non mais c'est vrai qu'aujourd'hui le modèle, c'est que ça. C'est les gros clubs qui cherchent des clubs satellites. En Belgique, tu regardes la moitié des clubs, c'est ça maintenant. Mais la Belgique est un pays satellite aussi. Ouais. Ça, c'est vrai. On sait très bien qu'en France, tous les clubs quasiment sont à vendre. Oui. Depuis quelques temps, tu regardes la Ligue 2, tu peux faire des affaires. En termes de pension, tu regardes les clubs à l'ancienne. Mais même en national, Même en national, t'as raison. Les équipements, ce genre de choses. Est-ce que Strasbourg mérite ça, vu son passé, son histoire? On est un peuple qui avons beaucoup souffert. Exactement. Voilà. On a plus souffert. Ouais, exactement. Il était un peu pionnier, à jamais les pionniers, je crois. Est-ce qu'on parle de ton David qui joue à Brest aussi? Donc, il y a une question vitale sur toi. Ah, mais on finit là-dessus. Ouais, pardon. Non, mais Fabrice, vas-y. Est-ce que, parce qu'il y avait ces débats sur Racing Stum notamment, est-ce qu'on veut un club de D1,5 qui de temps en temps peut faire des coups d'éclat, mais au moins on a notre ADN pur, tranquille, ouais. Si tu veux, quoi, avec le stade de demain, l'ambiance d'aujourd'hui, ou le stade d'aujourd'hui, l'ambiance de demain. Ouais. Et est-ce qu'on veut ça, ou alors on se dit, ah putain, avec la caillasse qui va rentrer, on va peut-être jouer un tour préliminaire de Ligue des Champions. Et ça marche même pas, parce que j'avais pris l'exemple de Troyes justement sur le Stoub. Oui. Ben, c'est assez parlant, ils ont été achetés, je crois, en 2020 ou 2021, avec donc quelques mercato qui sont passés. Les joueurs qui sont arrivés en prêt, c'est vraiment les mecs. Soit du bout de banc de Manchester City ou du City Group, genre Lommel ou Melbourne City, ou alors des joueurs de 25 ans qui sortent de 4 ou 5 années de prêt et qui ont aucun avenir. Des fonds de cuve. On va dire, oui, on peut dire. C'est des êtres humains, donc je ne dirais pas non plus ça. Mais ouais, des fonds de cuve. Ou alors, trois aussi servis, bah, acheter des joueurs très chers, donc les supporters rêvent d'envoyer les montants. Et en fait, non, le joueur, il est tout de suite prêté ailleurs. Pour essayer de valoriser, et si un jour il perce, bah, à Lommel ou dans un autre club, Gap, par ou à Troyes, pourquoi pas, bah, il est vendu directement par Manchester City. Donc, sans jouer par City, ils ont fait une culbute de x2, x3, parce qu'ils achètent une vingtaine de jeunes joueurs chaque année. Ouais. Bah, aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est de la traite humaine. Voilà. Et ça, nous, on veut pas. Non, sauf si les mecs. Alors, qu'est-ce qu'on veut pour notre club? C'était quand même un peu une question. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut pour notre club? Est-ce qu'on veut... Le 50 plus 1, c'est très bien. Un club de tradition. Mmh. Moi, je veux retrouver mon club punk, moi, perso. Un bon club 1,5, ouais. Quoi. Ouais. Bon, cette année, on n'est pas loin du club punk. On n'est pas loin du club punk. Mais c'est vrai que dans l'idéal, le modèle. Ouais, mais en Ligue 1. Le modèle actuel avec un actionnaire local. Ça fait pas rêver parce que forcément on claque pas des millions d'euros chaque année, mais c'est un club stable, c'est un club qui génère ses propres ressources. Quand le stade va être livré, voilà, on augmentera ces recettes là. 2099. L'économie c'est ça, c'est ce qui est sain, c'est ça. C'est un club qui génère ses propres recettes avec son public, qui peut vivre avec son centre de formation quand un joueur qui perce. Mais ça doit pas être un club dopé au milliard d'un État, aux centaines de millions d'un milliardaire qui vient d'ailleurs. Mais je trouve que c'est un super argument. En plus, c'était l'argument du Racing récemment, c'était ça, quoi. Et puis là, de se dire que, bah ouais, bah non, finalement, je consulte, je suis intéressé qu'il y ait de nouveaux capitaux qui rentrent, parce que vous savez, la vie, c'est difficile en ce moment, ça fait un peu ça, quoi. Non, aussi, c'est juste que je pense qu'il veut se désengager, alors il essaie de trouver... Je pense pas qu'il va vendre au premier venu, mais... En même temps, la bonne gestion du Racing en fait une cible de choix pour les mecs qui veulent investir. Les mecs qui veulent investir, ils n'ont pas de passif totalement à venir combler. Ils se disent, ah bah putain, ouais, bah du coup, ça en fait une victime idéale. Et il y a combien des clubs en Ligue 1 qui sont gérés et qui génèrent leurs propres ressources? Regarde les rapports des NCG tous les ans, quand ils sont sortis. Déjà, en Ligue 1, il n'y en a pas beaucoup. Avant le Covid, il y en avait 3. Ouais, tu fais les 5 grands championnats, ça doit se compter sur les doigts de deux mains. De Django Reinhardt. Mais quand t'as un milliardaire footballier ou t'as le Qatar qui déboule, ils en ont rien à foutre, qui les ardoise. Ils en sont pas là. Ouais. Bah, c'est toujours pareil. Si t'as 50 millions de trous à combler, ils veulent quinquants. Et puis quand ils vont repartir, parce que sinon, ils seraient mieux. Ils seraient mieux éponger Bordeaux, tu vois. Qui a quand même un autre prestige que Strasbourg et où il y a une ardoise de dingue et il serait mieux éponger ça. Bordeaux était racheté par un fonds de pension. Ils se sont déjà servis. Ouais. Non mais Bordeaux, ils ont failli crever. Normalement, ils doivent crever. J'allais dire qu'ils crèvent. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Attends le mois de juin. Oui, j'attends impatiemment le mois de juin. Je m'assieds au bord de la rivière et j'attends le cadavre de Bordeaux. Garonne ou... Les deux fleuves, je ne peux que... Les quoi? Les fleuves. Pas la Garonne. On est sur la géographie là. Après, c'est la mer. Non, mais il y a un autre club, c'était l'autre côte, non? Non, c'est la rivière. Bon, moi, j'aurais dit qu'il y a un autre aussi, mais c'est quoi la rivière à ce terme? Ah, voilà. L'île? Non, bon, bref. Je te cherche. Mais oui, mais tu regardes les clubs qui ont été rachetés par des fonds comme ça, tu sais pas trop d'où ça vient. Enfin, Bordeaux et Lille, typiquement, c'est des clubs qui, normalement, doivent crever. Enfin, c'est pas sain comme gestion. Des clubs de merde. Mais ce qui est fou, c'est qu'on est tous d'accord, quoi. Donc, je comprends pas pourquoi on pourrait pas voter et décider qui crève tout de suite. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, donc sur Chelsea, on est tous d'accord, c'est de la merde. Ça n'arrivera pas en plus. Bon. Bah. Non, c'est pas. Bon, Chelsea, non, je pense. Enfin, après, ça n'arrivera pas parce qu'on sait où habite Marc Keller. Donc, s'il le fait. Mais en fait, lui, il a pas de chance parce que lui, il est là devant tous les autres actionnaires. Moi, je les connais pas, je sais pas qui c'est. Bah, Pierre Schmitt. Ah. Patrick Calder. D'accord. Patrick Calder, je crois qu'il y a plus d'argent. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que celui qui va se faire péter la gueule et dont la maison va cramer et dont les enfants vont être étêtés, on va leur couper la tête, c'est Marc Keller. Les autres, tout le monde s'en fout. Alors que peut-être que c'est les autres. Qui pousse Keller. Peut-être c'est les autres qui viennent. On a contacté les mecs de Chelsea. Enfin, je sais pas comment ça se passe, moi. Ouais. Les autres, ils ont pas encore récupéré. Pour les mecs de Chelsea, apparemment, ils ont bouffé avec Bordeaux aussi dans la foulée. Exactement. Oui, et avec Sochaux. Il y a les Sochaux aussi. Ah, les mecs, Sochaux. Il y a un resto. Super. Ah, peut-être, il y a une pizzeria à Montbéliard. Il y a une pizzeria à Montbéliard. C'était un café de l'usine. Le carnet de balle, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, mais c'est vrai que Chelsea, peu importe qui. Il veut juste un club satellite. Peu importe que ça soit Sochaux, Bordeaux, Montpellier ou. Mais tant mieux, il y a plein de clubs de mer. Mais oui, pourquoi nous, quoi? Istres. C'est bien, ça, c'est sympa. Ouais. Istres, c'est bien. Bah, il y a une décharge. Mais donc, c'est pas un projet sportif. Vraiment, il y a rien qui va là-dedans. À tort, toi qui vis avec Marc Keller, il va pas le faire. Mais il a pas intérêt. D'accord. Il a été prévenu. Après, il y a cet argument massue. Hein, parce qu'il y a son fils, en plus, maintenant, je peux l'enlever. Séquestré. Ouais. Un autre qui met son fils, alors, Tomé, Marc Keller, ouais. Non mais après t'as toujours l'hypothèse massue en Alsace, c'est-à-dire que oui c'est des Américains, ils font pas vraiment des bretzels, ils s'intéressent au marché allemand, mais notre directeur, notre nouveau président, c'est Arsène Wenger. Ah ouais non, ça. Alors là, à moins la secte Arsène Wenger, elle est plus vieille que la secte Gilbert, mais alors pareil quoi, l'énorme fatigue. Et non, Arsène Wenger, il a intégré les pas de la FIFA, qui a été rejointe par notre agent Luc Lebret, par NLG là cette semaine. Donc il est à l'EHPAD là maintenant. Il y a les infirmières qui s'occupent de lui. Tu vois, vous avez pas fini votre soupe, c'est pas bien monsieur. Donc non, laisse-le à l'EHPAD. Il va finir tranquillement à la FIFA. Toutes les semaines, il nous envoie un truc. Ouais, alors on pourrait faire des matchs. On va supprimer leur jeu. On va faire des matchs en temps réel. Alors deux fois, deux tiers temps, on va mettre des pubs. Ok, c'est bon. Arsène, tais-toi, arrête tes conneries. Alors, en plus, Arsène Wenger, on nous le ressort tous les étés depuis 20 ans. S'il avait voulu faire quelque chose au Racing, il l'aurait fait. Tu sais, moi j'ai vu Wenger à Dupnaim. Ouais, moi j'ai vu dans un bordel à Hanovre. C'est pas pour ça que qu'il a pris ma bite. Voilà. Excusez-moi. On va continuer. Donc, je pense qu'on a bien couvert. On a bien couvert cette question de Chelsea. Qu'est-ce qui nous reste dans les coulisses? J'avais goûté les bases d'émission. Ah oui, ouais. Démission. Bon, ça de toute manière. La fin du métaverse, quoi. Ouais. Exactement. Toujours. Ouais. Voilà, on fait quoi, on fait des rats? On peut faire des questions militaires, la volée, on l'a pas faite. Ok. Des petites questions. Petites questions. Donc, alors, celles-là, elles sont beaucoup trop longues, du coup. Donc, on va aller sur les questions Twitter. Ah. Les recrues et départs. Vous pouvez en parler, non, mais ça, on a parlé. Ouais. Marco, Racing FFF, vous pouvez en parler, non? Si, on peut en parler. Alors, attendez, du coup. Marc Keller choisit-il bien ses amis? Voilà, Alex Co, notre co meilleur auditeur @Alex. Non mais au secours. Ménès, Le Graët et consort. Ah si je gueule ça passe. Ménès, Le Graët et consort. Okay. Est-ce que Marco choisit ses copains comme il choisit les coachs? Qui est consort d'abord? Première question. Bah, sinon on aurait pris Pascal Duprat. Hein. Ouais, ah lui aussi il touche. Ah non, pardon, il touche pas. Enfin, je sais pas. Franck Dubray est libre, a priori. Marco est-il donc ça va. Abdel Boisama est interdit de territoire, mais. Alors, et donc Marco est-il toujours le plus beau, Racing FFF, les coachs, Le Graët, Ménès, tout ça on met ça en un seul paquet. Alors, allez, on y va. Ça, c'est un des grands mystères que j'ai. Je comprends pas comment Marc Keller, le gendre idéal, quelqu'un qui présente bien, qui est poli, est ami avec Pierre Ménès, qui est une merde. Qui est une merde. Bah, les gens restent polis, hein. Noël Le Graët, c'est une grosse merde aussi. Noël Le Graët est une grosse merde. Il est parti sous l'ovation de la FFF. Vous avez oublié Olas, hein. Par contre, mais qui est une merde. Qui est une merde. Il y a eu l'interview, justement, de Marc Keller à la sortie du COMEX où ils ont destitué, enfin, où Le Graët a démissionné. Après les larmes. Oui, après les larmes, apparemment, oui, Olas et Keller ont versé quelques larmes. Et tu et t'as Marc Keller qui dit... Putain, l'apéro. Attends, Olas déjà, ils ont dû le tourner pour lui dire que c'est là-bas que tu dois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le mec, c'est la caméra. Là. Ah ouais, ok. Non, mais Marc Keller devant la caméra qui dit Noël Le Graët est un grand dirigeant, il faut se rappeler de l'état dans lequel était la FFF quand il est arrivé. Enfin, surtout financièrement. Le premier argument dans l'interview des DNA, il te dit Marc Keller, dans les DNA, quand il parle de Le Graët, il dit ouais, non, mais Le Graët, il a fait vraiment plein de choses. Il a ramené 100 millions d'euros dans le mec, il est omnibulé par c'est la thune qu'elle. Mais... C'est la gestion financière. Et après, il dit, ouais, deuxième phrase, il dit, oui, en plus, il a eu des bons résultats avec l'équipe de France. Mais le tube number one qui sort nativement de sa bouche, c'est. Mais la moulaga, les pesos. Mais c'est vrai que le but de Noël Le Graët en finale de la Coupe 2018, c'est. C'est magnifique. Hein. Ouais. Mais sur la question de l'argent, il y avait notamment le contrat équipementier Nike. Mmh. Enfin, je disais, quand t'as une équipe qui est championne du monde, qui a parmi les meilleurs jeunes d'Europe, c'est assez facile de trouver un équipementier qui met du fric. Et qui met beaucoup d'argent. Et qui met beaucoup d'argent. Oui, mais, c'est déjà. Je veux dire qu'il y en a eu des restos. Et à cause de Noël Le Graët, en plus, la Fédé a perdu du fric sur ce contrat. Parce que les équipes de France féminines étaient encore sous contrat Adidas. Et il y avait une pénalité si les féminines se qualifiaient pour les JO parce qu'elles devaient encore porter le maillot Adidas. Oh yeah. Et Le Graët disait ah mais les féminines se qualifieront jamais pour les JO. Je crois même qu'il a dit de toute façon c'est pas du foot. C'est possible. Corinne va jamais y arriver de toute manière. Ouais, et je la prolonge. Et du coup les féminines ont joué les JO, ont même fini troisième je crois, avec un maillot Adidas. J'adore. Et du coup il y a une pénalité sur le contrat Nike de plusieurs millions d'euros. Voilà, Noël Le Graët. Noël Le Graët, bravo. Noël Le Graët, mesdames, messieurs. Mais ça devait être après sa troisième bouteille de vin. Champagne. Alors que le mec d'avant qui l'a remplacé, c'est comme une histoire de bouteille de vin qu'il a plus ou moins pris. C'est le mec d'avant. Mais c'est tous des cons. Ouais, bah. C'était la Corée du Sud, ça. C'était le bon vieux temps, ça. Donc, ouais, les copains de Marc. Ouais, c'est un con. Mais peut-être que Marc Keller. Ne sait pas s'entourer. Mais après, la question, là, aujourd'hui, quand même, c'est que. C'est vrai que Le Graët l'avait désigné comme son héritier à la tête de la On est sûr de ça? Si, il l'a dit, mais c'est baisé d'abord. Si j'arrête Radio Stoop, c'est JP Darky. Voilà. Et là, après, je dis, mais de toute façon, il est nul. Et là, maintenant, se pose quand même la question du monde un peu amateur, là. C'est vrai qu'il cochait quand même beaucoup de cases, Marco. Christophe Dugarry a dit, moi, je vois une seule personne à la tête de la FFF. C'est Marc Keller. Bah oui. À nouveau baiser de la mort. Ouais. Ça n'arrête pas. Il est mort trois fois. Il est international. Il fait le lien avec France 98. Il est presque France 98. Genre, tu sais, il est le club des presque France 98. Voilà. Il y a Martin Djetou. Il y a Fabri Labouchi, c'est ça? Ibrahim Ba. Pierre Lègle. Oh putain. Nicolas Nelka. Il était. Bah oui, c'est vrai. Oh oui, il s'en fout. Lionel Nkizi, non? Oui. Et ça, c'est à cause de la Russie. La Russie, ouais. Non, c'est parce qu'il est nul, c'est tout. C'est parce qu'il est méchant. Et moi, j'aurais arrêté. Bah. C'est ça, hein. Non, c'est Landreau. C'était Landreau? C'est Grégory Coupé. Ah, c'est Grégory Coupé, mais qui dit ça à propos de? Landreau. Ah ouais. Bref. Donc après, reste à voir. Maintenant, aujourd'hui, il y a les... Landreau qui s'est pris un but de Sheila Verte. Oui, pardon. Il y a les, oui, en effet. Correct. Correct. À l'époque, on avait des gardiens qui savaient marquer des pénalties et les arrêter. C'était pas les derniers pour les Hamburgers, c'est bon. Donc, Marc Keller. Donc, Marc Keller, en fait, il coche toutes les cases pour être président de la Fédé, sauf que, il semblerait que, va falloir qu'il se dévoile un peu. Et aussi que les ligues amateurs, là, en ce moment, sont en train de se réunir pour des élections anticipées, que c'est peut-être pas aussi, aussi simple que ça. Non, mais dans un monde idéal, il y a aucun membre du COMEX qui survit à ça. Normalement, c'est ça, ouais. Ouais. Et donc, bien sûr, c'est pas du tout ce qui va se passer. Oui, bah c'est ça, on est en France. D'autant que Olas, il pourrait ne pas survivre, mais en général, c'est une question de santé. De santé, voilà. Donc là, c'est vrai, la question, en fait, c'est de savoir ses affaires. Enfin, ouais, pourquoi Marc Keller, il est là-dedans. L'histoire de Marc Keller, est-ce que ça peut influer sur la saison du Racing Club de Strasbourg aujourd'hui, cette saison? Est-ce qu'il peut dire, genre, je lâche le commerce et donc, on revient sur... Point ouais. Et on revient sur la fameuse question, est-ce que Marc Keller choisit ses copains comme ses entraîneurs? Ouais. Bah, j'ai envie de dire oui. Bah alors Julien Stéphan, ce serait plus Pierre Ménès ou Noël Le Graët? Plus Le Graët, British Breton. Ah, il est breton, il est breton. Ouais, c'est vrai. Et du coup, Antonet. Bah du Guépéro, il était breton aussi. Hein. Et comme disait Brice Hortefeux, les bretons, quand il y en a un, ça va. C'est vrai qu'il disait ça. Autre question. Là, non, je crois, il faut finir parce qu'effectivement, on a fait le planning. Ok. Ah, donc, mais, attends, il y a, on a plus de batterie en plus. La progression des jeunes issus du centre de formation semble entravée. Rapidement. Alors. Ouais, c'est juste pour dire que en fait la programmation depuis Mediapro, en fait, la plupart des matchs sont le dimanche. Mm-hmm. Et du coup, si en faisant ça, bah les jeunes ne peuvent pas enchaîner. Les jeunes qui ne jouent pas en une ne peuvent pas jouer le lendemain avec les avec la réserve. Mais ils n'ont pas le droit de prendre des jets privés, les jeunes, ou pour aller au match. Non, mais ils sont sur le banc, donc ils peuvent pas. Donc, mais c'est le cas dans beaucoup de clubs et c'est con, voilà. Ok. Bah, donc Mediapro, si les mecs rentrent pas, ils rentrent pas, ne serait-ce que le samedi, ils jouent à la méno. Mais ça, c'est possible. Ça, c'est possible quand tu joues à Angers un samedi à 21h, tu joues pas, t'as pas le lendemain en réserve. Ouais, c'est le cas. Comme on a joué le samedi contre Angers, le lendemain, t'avais Bouébari, t'avais Nus, t'avais Suzuki qui ont joué avec la réserve. Ok. Mais si c'est le même jour, c'est plus. Donc on a fait un bilan sur les recrues, donc ça c'est bon. Rocoras qui nous dit que la prépa physique ratée, tout est pourri. Il y a quoi qui a bien tourné cette saison à part la fin. Le déguisement à Clermont. Le déguisement à Clermont. Donc Rocoras c'est fait. Storky. Il a bien tourné. Ouais. Bah, il reste au même niveau que la saison dernière lui. Il a pas. Lui il est constant. Ouais. Il joue la Coupe d'Europe. Ouais. Rick Alioui 67, un glorieux radio chloumiste, dans le temps où tu habitais dans un autre endroit. En cas de descente, quel joueur, puisque bon, on va pas se maintenir, hein, ça aussi, ouais, c'est clair. Oui, la descente, oui. Ouais, quel joueur faut-il garder pour l'opération remontée immédiate? Et lesquels pourrait-on se permettre de garder? Parce que peut-être qu'il y a ceux qu'il faut garder. Bah, moi, ça me paraît évident. Bah, les jeunes. Dimitri Lénard. Non, Lina, il se barre. Pour moi, il faut garder tous les joueurs qu'on a prêtés. C'est les seuls qui performent. Donc, il faut les rapatrier. Et pas Chahiri. Si, tous. Faut tous les rapatrier. On joue avec l'équipe des prêtés. Et Robin Rissert dans les buts. Parce que ça, c'est le point positif. Si on descend, on va lancer Robin Rissert, qui est le gardien d'équipe de France bientôt. Ça, c'est énorme. Ah. Oui, Robin Rissert. Et pourquoi on ne fait pas rentrer quand il y a un pénalty contre Strasbourg? Ah, parce que lui, il les arrête. Hein. Et est-ce qu'il arrête aussi les tirs en diagonale sur sa droite? Il arrête tout. Parce que ce serait pas mal. Il arrête tout. C'est un super gardien. Toujours le même but. C'est un jour sans fin. C'est insupportable. Deux boulets campeurs. Ouais. Ok, donc, je crois que moi j'ai fait tout. On a fait une question au hasard. Une question au hasard. Le mérite sportif. Oh putain. L'émission du. Ah, le mérite. Non, on l'avait dit ça. Non, Bako, on l'a pas dit. L'émission du 1er février a été postée quelque part. Bah, non, si. Mais non. Peut-être un jour. Ouais. Peut-être un best-of. Après la descente. Donc Bakoe. Non. Avant la montée. Exactement. Alors, on a tout fait là. Ouais, à peu près. On a achevé le programme. J'ai mis les croix. Donc un petit pronostic sur ce match de. Alors je vais Marseille, vous demander un pronostic un petit peu différent. Je vais vous demander, est-ce que vous allez regarder le match contre Marseille? JP Larky, est-ce que tu vas regarder le match contre Marseille? Ben, je me connais, je vais le regarder même. T'es à ce point-là accro. Surtout que maintenant j'ai Amazon qui apparaît sur ma télé. C'est dimanche soir, en fait, ça passera. Ouais, voilà. Roulian, est-ce que tu vas regarder le match contre Marseille? Exceptionnellement, non. Oh la vache. Non, j'ai pas envie. Là, j'ai vraiment pas envie. Là, je sens la manita qui arrive. Je sens qu'on va, ça va être sale. On va se faire marcher, on va se faire souiller. C'est comme un peu le petit gangbang, tu vois. Donc, on va être la fille, et puis on aura toute l'équipe autour qui va nous. C'est un peu un commerce. Ça va être un gangbang boucaqué sur la pelouse du vélodrome, et j'ai pas envie de voir ça. Vraiment pas envie de voir ça. Donc là, je vais passer mon tour dimanche soir. C'est très rare, mais là, je le sens. Mais alors, pas du tout. D'accord. Et toi, tu étais à Marseille l'été dernier. Comme à peu près 800 personnes, oui, effectivement. Ouais. Et où on a vu, à part le filet de séparation, on n'a pas vu grand-chose du match. L'avantage, c'est qu'on ne voyait pas le gangbang sur la mais ça peut être le même score. Et ça serait pas mal. Ça pourrait être pire, je pense. Ouais. C'est le même score, c'est bien. 4-0, c'est bien. C'est pas si pire. Ouais. Est-ce que vous pensez que Jules va donner le coup d'envoi aussi? Ça, c'est une question. J'espère. Qui est l'arbitre, en fait? Oh, je crois que c'est pas donné encore. Aucune importance. Si, ça a été donné. Il donnera pas de pénalty pour Strasbourg, contrairement à ce que Guillaume a annoncé. Vous allez voir, parce que le complot est en marche. D'accord. Fabrice, Je rejoins Roulian qu'un petit comex pour évacuer le blues du dimanche soir ne ferait pas de mal. Ouais. C'est Monsieur Pignard. Monsieur Pignard. Alors là, bon, on est bien. Attends, est-ce que tu regarderas le match de dimanche soir? Je regarderai. Mais on va perdre 6-0. Je regarderai. Moi, je regarde parce que généralement, c'est Julien Brun qui commente. Et tout à fait. Alors, Guigues, pour le club, au nom du club des optimistes et toi. Ah oui, le club des optimistes. Ah oui, il y avait une question là-dessus. Est-ce qu'on est plutôt club des optimistes ou pas, nous? Non. Moi non. On est déprimé. Hein. Ouais. Pas seul qui gagne. Mais vas-y, vas-y. La question... Non, mais c'est au nom des clubs des optimistes. Bien sûr, au nom du club des optimistes, mais moi je pense qu'on va gagner. Voilà. Oh là là, arrête. Non. Et donc je regarderai le. Effectivement, bien sûr, évidemment, le match après 12 picons. Une victoire en championnat à Marseille, ça fait longtemps. Hein. Ça fait. C'est le plus. Je crois que c'est le. Il y a Paris. Non, il y a Paris, ouais, il y a Paris. Mais sinon, on a gagné avec Nouma à l'époque. 1-0. Oui, c'est vrai, c'est 98. 97. C'est ça. Ben voilà, on va magnifique. Finir. Je pense qu'on peut finir sur Pascal Mouma. Pour laisser une touche d'espoir à tous ces petits enfants qui sont sans toi. La main dans le short. Toi. Tout à fait. Mais oui, mais bon, allez, Racine. Il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.